ça fait du bien Baruch Sanis. Ceux qui la mangent à la merguez, ils pourraient bien faire un malaise. Ceux qui mettent les chipolatas, ils font vraiment n'importe quoi. Et puis les autres qui font plus fort avec une saucisse de Francfort. J'avais une copine alsacienne qui faisait bien la choucroute à l'ancienne. Pour le couscous Rachid Boulaouane, c'était sûrement le number one. Mais c'était rien que du jus de pisse à côté de la galette saucisse. Se taper une galette saucisse, ça fait du bien par où ça glisse. Se taper une galette saucisse, pour les Bretons ou les touristes. Se taper une galette saucisse, ça fait du bien par où ça glisse. Bien bonsoir chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue dans le 11e épisode de Débattons d'Anguirou. Ce soir nous suivrons l'excellent match italien Parme-Inter de Milan et je suis très heureux de retrouver l'équipe de Débattons d'Anguirou. Bonsoir Brett. Sa mère gland, le loup lui dit t'as des galettes, j'ai une saucisse pour mettre dedans. Arrête ou j'appelle la police, espèce de sacré dégoûtant. Elle est vraiment toute en longueur, tout à fait Brett. Bien dans la main. En plus elle dégage de la chaleur, faut la déguster avec soin. Et quand il dirait ma belle sœur, par où que ça passe, ça fait du bien. Se taper une galette saucisse, ça fait du bien par où ça glisse. Se taper une galette saucisse, pour les Bretons ou les touristes. Se taper une galette saucisse, ça fait du bien par où ça glisse. Se taper une galette saucisse, ça fait du bien par où ça glisse. Se taper une galette saucisse, pour les Bretons ou les touristes. Se taper une galette saucisse. Ça fait du bien par où que ça glisse. Rebonsoir, donc, après ce morceau des Golchos, la galette saucisse que vous aurez tous reconnu et qui nous annonce, cher Brett, le thème de la soirée, qui n'est autre que... Qui est le football et la cuisine, ou plus généralement l'art de vivre. Tout à fait. Alors, la France, comme vous le savez, le pays de l'amour, du luxe, et suivant un autre cliché, c'est aussi le pays de la gastronomie. C'est l'art de vivre à la française, c'est bien connu. Mais l'art de vivre ne se limite pas à ces trois choses. On peut par exemple citer cette anecdote que l'on trouve chez Montaigne, qui raconte que son père le faisait éveiller chaque matin au son d'un petit concert de musique de chambre, révélant ainsi une pratique qui a incontestablement rapport avec un certain art de vivre, en l'occurrence savoir agréablement débuter une journée en la commençant par de la musique, Brett. Oui, Manuel. Alors, pour en venir à notre émission, qui, je vous le rappelle, a pour but de questionner la relation entre foot et culture, pour revenir au foot donc et à notre match de ce soir entre Parme et Milan, peut-on considérer que la pratique du foot puisse être, ou du moins participer, d'un art de vivre contemporain ? En effet, si on considère l'art de vivre comme une sorte de connaissance raisonnée de tout le plaisir que l'on peut tirer de la vie, il va donc de soi qu'une bonne partie de foot entre copains puisse en faire partie. Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, nous allons tenter d'examiner ce soir les liens que l'on peut trouver entre cuisine et football. Les footballeurs sont-ils des fins gastronomes ? Savent-ils prendre soin de leur assiette ? Avec tout un tas de sujets que nous vous avons préparés et avec nos deux invités, on va aller voir du côté des footballeurs amateurs et professionnels et du côté des supporters et artistes aussi, bien sûr. Bonsoir Pedro. Bonsoir. Pedro, vous êtes cuisinier, vous êtes aussi musicien et vous êtes l'invité des Bâtons d'Anguirou ce soir. Est-ce que ça vous plaît ? Les deux choses, oui. La cuisine et le foot. Je suis assez éloigné de foot en ce moment, mais il est toujours dans mon cœur. Et bonsoir Valentine. Bonsoir Manuel. Bonsoir, donc vous êtes Valentine de métier traductrice, mais vous êtes là tout d'abord pour nous présenter un reportage que vous avez fabriqué de vos petites mains hier soir, et aussi pour nous parler d'une revue qui va bientôt terrasser la gastronomie marseillaise, qui s'appelle La Brousse, oui. Alors La Brousse, c'est une revue culinaire un peu sauvage qui sort à Marseille le 7 décembre. Voilà, je vous en dirai plus peut-être tout à l'heure. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous nous sommes dit qu'il fallait dans un premier temps interroger localement les amateurs de foot. On va donc s'intéresser à ce qui se passe ici à Marseille, où nous sommes allés rencontrer un cadre du club de supporters de l'OM, les Yankees Nord, qui nous parle d'une certaine manière de conjuguer football et gastronomie. On écoute et on en parle ensuite. Quand on parle cuisine, c'est parce qu'on fait des repas associatifs, par exemple. Ouais. Alors, effectivement, quand il y a des gros matchs ici, des matchs de Coupe d'Europe ou des trucs comme ça, et ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent ici, souvent, on propose des repas. Et ça va être des repas, les repas festifs et communautaires, style les paella, les dobes, les trucs comme ça, hein, les trucs un peu régionaux méditerranéens et collectifs, en fait. Nous, l'idée, c'est surtout un événement autour duquel plein de gens se rassemblent, passent un bon moment. Et donc, la cuisine, elle va découler de ce bon moment-là, en fait. Donc, les repas qu'on peut prendre en communauté aujourd'hui, bah, oui, on va prendre des trucs provençales, style les dobes, les machins comme ça, mais on raisonne festivité, passion, convivialité, tout le monde autour de quelque chose, donc qui va être plutôt simple à préparer. Et que tout le monde va aimer aussi. Facile aussi à servir. Hein. Nous, on est équipés ici pour faire des paellas, avec les poils, des choses comme ça. Il y a des gens qui savent en faire. Et comme on est quand même une association, on est plein de bénévoles, il y a toujours un bénévole qui sait faire quelque chose. Quoi. Avec son travail, il a la possibilité d'avoir du matériel et tout comme ça. Soit il a la compétence et... Mais à chaque fois, c'était un bénévole qui propose un thème. Quoi. La dernière fois, c'était le match contre Paris, ici, là, il y a un mois et demi, où on a fait une daube pour 150 personnes, par exemple. Donc là, les daubes, on sait les faire en interne, on a le matériel pour. Donc on commence pour un match le dimanche, on commence le vendredi, à faire mariner la viande, le vin et tout ça. Et on fait cuire la veille, et puis après le matin, il y a la mise en place des tables, le service. Alors après, on s'organise un peu. Le service, c'est tantôt on va les servir en table, mais tantôt on va faire un buffet où chacun vient se servir soi-même. Mais voilà, on s'organise. Après, nous, on est groupe de supporters marseillais. On est une association marseillaise à forte connotation provençale aussi. Hein, et donc on est marqué de la culture méditerranéenne. On ne se fait pas livrer des triangles de chez Sodexo qu'on trouve chez Total, ça c'est sûr par contre. Hein. On sait faire des repas collectifs, mais avec quand même la culture de base quand même. Hein. Non, ça on fait que notre association. Accueille aussi des gens qui ont 60, 70, 80 ans. Mais il y a toujours quelqu'un qui sait transmettre quand même. Au niveau de l'accompagnement, ça va être assez fidèle à la tradition. Hein. Les dobes, on les accompagne avec du vin, rouge notamment. On se cale vraiment sur ce que nos aïeuls nous enseignent. Quoi, hein. Nous arrive par exemple l'année dernière quand on part à Milan, on est 350 à partir à Milan, on a fait barbecue pour 350 personnes en mélangeant musulmans et juifs et catholiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a des barbecues qui sont séparés, il y a les grilles qui cuisent le porc, elles ne servent pas à cuire les merguez, on s'adapte aussi à ce niveau-là. Quoi. Mais nous on estime que dans notre animation associative, on tient compte de ça et c'est important. Et nos adhérents sont contents, ils sont tout le temps là, on est 5000 adhérents depuis 17 ans. Quoi. Si vous voulez, on a une forte identité, on a, hein. On le voit d'ailleurs à travers la France et l'Europe. Marseille a une forte identité hein, qui rayonne. Hein. L'association Yankee Nord s'inscrit dans cette identité-là. À titre là, l'association a un projet associatif. Et effectivement, on va retrouver donc chez nos adhérents quelque chose de familial. On retrouve aussi quelque chose d'amical. Et on retrouve aussi quelque chose de générosité et d'intégration. Mais pas au sens politique du terme ou démagogique. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous disais, on propose un cadre et les gens rentrent dans ce cadre-là et ça leur plaît. Le cadre qu'on crée, nous, c'est basé sur cette identité forte marseillaise. Je suis Valentine de La Brousse et je vous emmène au petit kiosque qui s'appelle Un léger problème technique, chers auditeurs, vous l'aurez compris, mais ce que nous venons d'entendre, donc ce reportage, cher Brett, sur les Yankees, va nous permettre à la fois de donner la parole au docteur, parce que je crois qu'il pourrait nous situer les Yankees un peu dans la sphère marseillaise, et puis après nous irons au stade. Tout à fait, on a oublié Magic en début d'émission, on n'est pas passé au stade, et en plus c'est lui qui a réalisé l'interview du membre des Yankees Nord, mais oui, docteur, les Yankees Nord. Oui, bonsoir, les Yankees Nord, bon, bah, on est vraiment dans la fibre du supportariat traditionnel du sud de la France, hein, qui est très très lié au système des tifosi. Donc le système des tifosi, système italien, et qu'on oppose généralement au système des publics beaucoup plus unis de l'Europe du Nord. Donc les South Winners, non là c'est les Yankees. Les Yankees Nord. Ce sont les voisins en face. Nord. Bon, alors les Yankees Nord, donc c'est basé rue Venture, c'est ça, à côté de la rue Saint-Ferréol. Tout à fait, rue Venture. Oui, et puis bon, bah, c'est ceux qui nous animent donc, bah, la tribune Nord du Vélodrome, hein, tout bien simplement. Bien célèbre. Ce sont les maîtres de la tribune Nord, de toute façon. Voilà. Alors Magic, oui, vous nous entendez? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On vous entendrait bien. Très bien, bonsoir Magic. Bonsoir à tous, bienvenue à nos auditeurs pour ce match entre Parme et Milan. Je suis au stade de Parme, le stade Ennio Tardini de 28 000 places. Et vous savez que le calcio a repris des couleurs ces dernières années. Et le stade est complètement plein ce soir. Près de 28 000 personnes assistent à la rencontre de ce soir. Une rencontre qui compte donc pour la 14e journée du championnat italien, le fameux calcio, l'un des meilleurs championnats de football européen et voire du monde. Alors je vous disais à l'instant que le football italien reprenait des couleurs. Effectivement, depuis quelques années, il était plutôt moribond pour cause de tricherie dans certains clubs, pour cause de dopage dans d'autres. Eh bien, on assiste au renouveau depuis l'année dernière et depuis la renaissance en quelque sorte du club de la Juventus de Turin, au renouveau du football italien. Et ce soir, eh bien, ça se vérifie sur le terrain puisque, bon, pour l'instant, nous jouons la 42e minute dans ce match entre Parme et Milan. Il y a toujours 0-0, mais il y a du jeu. C'est beaucoup plus technique que dans les années 90 et 2000. Et voilà, donc la 14e journée du championnat qui voit donc Parme 10e avec un match en retard, donc face au Milan 2e. Donc l'enjeu est relativement considérable pour les Parmesans. Si on peut les appeler ainsi, eh bien, ils passeraient en cas de victoire à la 7e place derrière l'AS Roma, et le Milan AC se rapprocherait de la Juventus de Turin qui sera toujours première avec 32 points, mais qui serait mise sous pression par la Juventus. Vous voulez dire l'Inter de Milan, Magic? Pardon, l'Inter de Milan, exactement. Vous savez qu'ici à Milan, on a deux clubs, et voilà, il est toujours un peu difficile de s'y reconnaître. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le match. Tout à fait, Magic, mais on voulait aussi vous poser tout de suite une question, puisque je crois qu'on vient de repasser ici à Marseille le reportage sur les Yankees Nord. Je crois que c'est un groupe de supporters que vous connaissez bien, et qui plus est, je crois que c'est vous-même qui les avez interviewés la semaine passée. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on vient d'entendre? Oui, je vois que vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe dans l'équipe, mon cher Manu Amor. Effectivement, c'est moi qui suis allé rencontrer les dirigeants du club des Yankees Nord. Écoutez, ils ont un local en centre-ville, près de la rue Saint-Ferréol, pour ceux qui connaissent Marseille. Voilà, c'est des gens tout à fait sympathiques. Vous savez que j'ai tenté d'aller rencontrer plusieurs clubs, et il faut dire qu'on a passé l'extrait aujourd'hui des Yankees Nord qui étaient les plus sympathiques. On a retenu leur interview parce que simplement, eux, ils ont un rapport à la gastronomie, à la culture, comme on l'a entendu, de façon très simple et très modeste et à la fois très bonne, comme, voilà, vous imaginez organiser une daube ou une paella pour 300 personnes dans un petit local, c'est du travail, mais ça se fait collectivement, ça se fait ensemble dans ce petit club de supporters, petit club de 5000 adhérents, si c'est vous dire. Voilà, donc je ne sais pas que rajouter, si ce n'est que si les auditeurs ne connaissent pas ce club de supporters, eh bien, je les invite chaleureusement à aller voir ceux qui font et ceux qui pratiquent. Merci Magic. Brett, je crois que c'est peut-être aussi le moment de parler de la daube pour nos auditeurs qui ne seraient pas de la région. Et la daube provençale. Voilà. Est-ce que sur ce plateau, quelqu'un pourrait nous expliquer ce qu'est la daube ? On parle d'une... Alors, j'en ai mangé un bon paquet de fois. Alors, pour l'expliquer exactement, je ne sais pas, est-ce que dans nos invités, quelqu'un... Pedro ou Valentine ? Pedro, tu es cuisinier. N'importe laquelle vous voulez. C'est de la viande marinée en vin rouge ? Oui. Oui, la daube appartient à la famille du ragoût, bien ça. Tout à fait, Valentine, je crois. Docteur, il y a une origine, j'imagine. Oui, ça vient du latin d'abérer. La daube, bien sûr. Ceci, la daube est un ragoût, mais pas vraiment une marinade, dans le sens où, en fait, on cuit directement la daube dans le vin. On ne la fait pas macérer dans le vin. Un peu comme le civet. Distinction. Et alors, c'est de la viande de bœuf, la plupart du temps ? Très souvent, c'est de la viande de bœuf, oui, bien sûr. Mais on a la version à la bière, la carbonade, par exemple. On a la daube de sanglier aussi, la daube de taureau. Alors, la daube de taureau, qu'on appelle une gardiane, je crois. Une gardiane de taureau, oui. Et il y a la daube de poulpe, qui est pratiquée un peu. Alors, justement, dans la brousse, dans le prochain numéro de la brousse, on vous montrera comment confectionner la daube de poulpe. C'est intéressant que vous parliez de ça. Ah, ben, c'est parfait. Belle coïncidence, belle transition. Et c'est bien que vous preniez la parole, Valentine, parce qu'on va maintenant, parler de votre cas. Donc, comme on le disait tout à l'heure, de métier, vous êtes traductrice, vous êtes à Marseille depuis une grosse année environ, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Ouais. Et on va, avant de parler de vous et du projet qui vous amène ici, on va diffuser le reportage que vous avez fait hier soir. Vous nous dites où c'était ? Oui, alors c'est un snack qui est un petit kiosque qui se trouve près du stade Vélodrome à Marseille, qui s'appelle Le Petit Gourmet. Et qui est un lieu de rendez-vous pour les supporters qui vont manger un morceau avant le match. Eh ben on écoute. Je suis Valentine de la Brousse et je vous emmène au petit kiosque qui s'appelle Le Petit Gourmet, qui est en bas de l'avenue du Prado, près du rond-point du Prado, devant le stade Vélodrome. On est dimanche soir et dans une demi-heure, le match Marseille-Lille va commencer. C'est la dernière occasion pour les supporters de manger un petit morceau avant le match. On va aller voir ce qu'ils mangent. La Brousse. Décrire ce que vous mangez ? Ben, j'aimerais bien manger une bonne daube, mais c'est pas possible. Donc je suis obligé de manger un americano. Ah oui. Je m'appelle Christophe. Par rapport à toute la merde qu'on mange ici, c'est un peu moins dégueulasse, on va dire. Après, par contre, j'ai mangé un steak frit de mayo. Voilà. J'ai 41 ans, je vais là depuis que j'avais 10 ans. Donc ça fait un moment, ouais. Mais c'est toujours les mêmes patrons. Donc ça s'appelle la fidélité, je pense. Est-ce que vous remangez après le match ou est-ce que vous à la maison après le match À la maison. À la maison. Ça dépend si l'OM gagne ou pas aussi. Je mange. S'il perd, je bois. Non. C'est caté, je t'aime. J'en boirai des tonneaux. À me rouler par terre dans tous les caniveaux. C'est caté, je t'aime. Vous vous appelez comment ? Moi, je m'appelle Rachid. Rachid, alors vous avez mangé quoi là ? Vous avez presque fini votre sandwich ? Ben là, je viens de prendre un sandwich avec un steak, des frites, voilà, de la mayo. Classique, quoi. Voilà, vous venez souvent dans ce stade ? Ben, tout le temps là. C'est celui-ci ? Chaque veille de match, on vient ici, on boit des canons, on mange un bout. Pourquoi ici ? Parce que nous, c'est en direction du virage sud là-bas. C'est le plus convivial, c'est plus tranquille. On croise toujours du monde qu'on connaît. Même des gens qu'on perd de vue, tout ça, on se retrouve tous ici en fait. Donc c'est un point de passage, c'est stratégique ici. T'as le métro juste là, juste derrière, t'as des parkings de partout, c'est nickel quoi. Moi je m'appelle Fabien, lui s'appelle Fufu. Alors donc vous allez voir le match là ce soir ? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Moi une barquette de frites. Moi omelette frites, mayonnaise. D'accord, est-ce qu'il y a une raison particulière pour ce choix ? Oui, d'habitude je mange des kebabs. Mais vu qu'on a perdu contre Fenerbahçe le match cette semaine, j'ai arrêté de manger des kebabs, je mange des omelettes frites. C'est vrai. Pour de vrai en plus. C'est vrai. Non, c'est vrai. D'habitude, c'est kebab frit de l'autre côté, l'Olympien, ça s'appelle. De l'autre côté de la route, on s'arrête à l'Olympien, on mange le kebab. Super. Et là, cette semaine, on a dit, bon, ben, le kebab, on arrête. Voilà, tout ça pour un match de foot, c'est vrai, ben voilà, c'est comme ça. Sinon, le principal, c'est que ça nourrit, c'est que voilà, que ça nous cale en fait. On fait l'apéritif, on boit un coup, ben, faut manger pour compenser un petit peu et passer une bonne soirée. Voilà. Vous êtes boulanger, vous avez été boulanger. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la baguette de ce kiosque ? Pas de gamme. Pas de gamme. poulet ou dinde ou poisson pané ou cordon bleu, andouillette ou figatelli ou boulette ou brochette ou chipolata pour 4 euros. Lucien Limousin. Et vous venez régulièrement dans cet endroit pour manger ? Oh, lorsque nous venons, parce que nous avons fait 100 km pour venir du nord du département de Tarascon. Et lorsque nous venons, effectivement, nous venons ici au kiosque pour prendre notre pain bagnat. C'est important. Et ce kiosque, il est là depuis longtemps ? Je peux témoigner que d'une vingtaine d'années, 25 ou 30 ans. Mais je l'ai toujours connu, oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir le ventre bien rempli avant un match ? Ah, ça, c'est indispensable. Oui. Non, parce qu'il y a la passion quand on est dans le stade. Mais si on a le ventre vide, ça va pas, quoi. Ça remplit le ventre, donc comme disait mon ami Lucien, là, on prépare notre première mi-temps, on s'échauffe. Voilà, ça c'est l'échauffement des supporters. Je ne fais jamais de pronostic. Je suis supporter de l'OM, mais je ne fais jamais de pronostic parce que quand j'en fais, ça me porte malheur, alors j'en fais plus. On vient pour voir gagner l'OM après. Voilà. J'en boirai des tonneaux et des tonneaux à me rouler par terre dans tous les cas. Alors Valentine, vous avez réalisé ce reportage pour Des bâtons d'Anguirou. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, cette fréquentation des supporters marseillais le soir d'un match et de leur pratique alimentaire ? Écoutez, moi je suis très contente déjà parce que j'ai l'impression que ça m'a guéri d'une espèce de phobie du supporter de football. Et je suis là ce soir dans cette émission, c'est déjà un grand pas. Mais aussi, moi normalement j'évite les soirs de match, j'évite de passer trop près du stade Vélodrome. Et là, on va parler à des gens, on regarde, ils ont leur sandwich en majorité. C'était l'Americano qui était plébiscité, qui était mangé. On parle avec les gens de ce qu'ils mangent et tout ça. Et ça, d'un seul coup, on a un terrain d'entente. Voilà, pour moi, la cuisine, c'est ça. C'est un terrain d'entente qui permet de parler avec les gens et de parler d'eux. Donc d'un seul coup, je me suis sentie, par le biais du sandwich et de la frite, je me suis sentie plus proche. Et j'ai vaincu ma peur du supporter de football. Voilà. Par le biais du sandwich. Par le biais du sandwich et de la frite, parce qu'on a goûté aussi des frites. Hein, on nous a offert une petite barquette. Tout à fait. Et la frite était très bonne. Elle était dorée, elle était chaude, elle était bien salée. C'était très bien. Alors moi, je me permets d'intervenir, parce que j'ai vu un grand absent lors de ce reportage, c'est le tourne-dos. Alors, non, le tourne-dos était très présent. Alors le sandwich americano, c'était baguette, tourne-dos, frites dedans souvent et mayo ketchup. Mais le tourne-dos, il dans le tourne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était Marseille-Lille et que on pourrait dire, alors je sais pas si c'est une hérésie, mais le tourne-dos lillois, ce serait le fricandel, c'est ça ? Fricandelle. Qu'on trouve en Belgique aussi. Qu'on trouve en Belgique aussi dans le Nord. Ouais. Donc il y a une culture de la viande hachée qui se retrouve finalement à travers le. Est-ce que la viande hachée était bonne ? Alors, on n'a pas goûté la viande hachée. Le monsieur du stand, monsieur José, qui tient le kiosque. Qu'on remercie, on le remercie. On remercie pour son hospitalité. Nous a garanti que la viande était fraîche. Elle était surgelée, mais fraîche. Voilà. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. On peut peut-être profiter de ça pour donner le numéro, docteur de Radio Galère. Si jamais des auditeurs lillois souhaitaient... nous apporter quelques précisions sur la fricadelle. Dans ce cas-là, que ces charmants gens du Nord appellent le 04 91 08 28 15. Parfait. Brett, on va donc maintenant parler de Valentine et de son projet de fanzine, projet que j'imagine, Valentine, vous ne réalisez pas toute seule. Non, on est une équipe, alors la brousse... La Brousse, c'est un fanzine ou c'est une revue. Et on a commencé le projet avec moi-même, qui écrit des choses, on va dire largement. Laura Laguillomi, qui est graphiste, artiste, illustratrice, imagiste. Et Tiffaine, qui est graphiste, metteuse en page. Donc voilà, on est une équipe de trois. Et après, on est une douzaine de personnes marseillaises. Au sens large du terme, des écrivains, des journalistes, des artistes, et voilà. C'est un projet collectif. Et donc vous disiez tout à l'heure que le premier numéro va sortir ? Oui, le premier numéro sort le 7 décembre. On fait une fête de lancement, un espèce de vernissage qui va se passer comme il se doit dans un snack qui s'appelle Loubanastou. Et excellent. Qui se trouve, oui, qui fait un excellent snack, voilà, au panier. Parfois un peu desservi par sa devanture, mais excellent snack au demeurant. Bah, qui a quand même l'avantage d'avoir une petite terrasse devant. Tout à fait. Et qui s'appelle donc Loubanastou, qui se trouve rue Caisserie, en bas de la place de Lanche, en bas du panier. Donc voilà, on va lancer la brousse. Il y aura le lancement de brousse. On a pensé à faire un lancer de brousse. Mais il y aura des surprises, il y aura l'équipe qui sera là et le magazine qui sera visible et avec lequel les gens pourront repartir. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément du projet de ce fanzine ? Si j'ai bien compris, ça parle de cuisine, ça parle de Marseille et quelle est l'idée fondamentale de la brousse ? Alors l'idée, c'était, comme vous dites, de parler de Marseille. Finalement, de parler de Marseille à travers les choses qu'on y mange, hein, comme ce qu'on a fait avec les supporters du Vélodrome, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on mange, qui est un dénominateur commun, pour parler de tout plein de choses qui se passent à Marseille, sur le plan culturel, social, artistique, tout ce qu'on veut. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était d'utiliser le format fanzine, qui est un format un peu crado et un peu léger, et de parler de nourriture aussi, de parler du crado comme de parler du délicat et du gastronomique, et donc d'avoir cet angle-là. Donc voilà, la brousse, c'est le fromage de chèvre produit par les chèvres du Rove, et c'est la jungle urbaine. Voilà. Très bien. Est-ce que vous abordez, ou vous comptez aborder prochainement, l'épineuse question du tacos grenoblois ? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement à Grenoble déferle une épidémie de tacos, en fait, qui semblerait très très largement concurrencer les autres pita, samoun et baguette. Donc voilà, en tout cas, je... C'est un sujet épineux. À Grenoble, oui. En particulier. À Grenoble, oui. Alors le tacos c'est sud-américain largement ou mexicain ? Mexicain, essentiellement. Mexicain. Et oui, d'où, et c'est peut-être Pedro qui pourra nous répondre là-dessus aussi, que fait le tacos à Grenoble pour entourer donc ce qu'on appelle vulgairement le shawarma ou le kebab, c'est-à-dire les brochettes assorties de dinde et de veau ? Je ne sais pas. Je ne connais pas Grenoble. J'ai entendu dire que c'est les trous de la France. C'est vrai, ça ? Parce que c'est un endroit assez... C'est moins bien que le Poitou. Donc c'est une cuvette, on va dire. Une cuvette, voilà. Un peu comme Mexico, finalement. Voilà. Mexico, c'est une ville qui est dans une cuvette. D'où certainement le tacos. Et Chili aussi. On a peut-être l'explication. Mais à mon avis, c'est qu'il y a un paquet de Mexicains qui sont débarqués à Grenoble et qui sont montés, ça. Très bien, merci. Brett, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller faire un petit tour au stade, voir si... Voir Magic, si le match l'ambiance est folle. Magic, est-ce que l'ambiance est folle ? Oui, c'est la mi-temps depuis quelques minutes. Eh bien, les supporters, donc pour vous tenir au courant, le match est toujours d'un score nul et vierge, 0-0. Et on assiste à des petits spectacles organisés par le club de Parme. On voit des pom-pom girls. Je crois que notre ami Dr Lehmann aura l'occasion très bientôt de faire parler ces jeunes filles à la radio. Et voilà, il y a des petites festivités. Les gens sont joyeux, les Italiens, vous savez que les Italiens mangent beaucoup à la mi-temps, et il y a toute une série de petites restaurations dont on pourra peut-être parler. Vous savez que notre très cher ami shérif n'est pas là avec moi ce soir, et pour cause, je l'ai appelé tout à l'heure sur son portable, et écoutez, il mange, il boit, il est bien là où il est, et voilà, c'est pas par hasard. Bah on en profite pour lui passer encore une fois le bonsoir, et moi je regrette sa non-venue, puisqu'on a entamé cette émission par la galette saucisse, je crois qu'il avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc c'est un peu triste, mais on pense à lui. C'est dommage pour la galette saucisse, surtout. Tout à fait. Il doit bien se régaler, en tout cas. Brett, c'est le moment de faire parler la poudre. Notre sniper habituel va pouvoir officier. Vous nous représentez. Je ne sais pas si c'est besoin de le faire, mais enfin... C'est toujours un plaisir. Donc c'est l'heure de la chronique du Dr Lehmann. Docteur, notre chorégraphe, géopoliticien, stratège du football. Eh ben, on vous écoute. Vous avez écrit une chronique en lien avec le match de ce soir. Sur quel sujet vous vous êtes épanché cette fois-ci? Alors, ma chronique s'intitule « Pour une géopolitique laitière de la botte ». C'est parlant. Ce soir, nous allons enfin nous plonger dans ce qui constitue probablement le plus profond aphorisme du général de Gaulle, à savoir qu'on ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromage. Le docteur s'égare, me direz-vous, au regard du programme de la soirée, d'autant plus que peu avare de ce genre de tirade, j'en proposerai une seconde, celle prêtée à son rival Churchill, s'exclamant qu'un pays qui produit plus de 365 sortes de fromage ne peut pas perdre la guerre. Comme tout exposé logique, et comme vous allez saisir à votre corps défendant, ces deux commentaires au premier abord antithétiques se corroborent au final assez finement, dans leur profonde vacuité bien sûr, dès lors qu'on étudie de plus près la trouble géopolitique culinaire, et plus particulièrement laitière, vous l'aurez compris, de la péninsule italienne. Je m'explique. On sait combien les conditions géographiques dans lesquelles évoluent nos voisins transalpins ont favorablement opéré en ce qui concerne la fermentation. En gros, l'Italie dispose d'une grande variété de fromages. Pour autant, elle n'a jamais véritablement réussi à gagner une guerre, hormis sa célèbre trahison lors du premier conflit mondial, poussant même le vice jusqu'à s'estimer lésé lors des accords de paix. Plus récemment, les sorties de la Cicciolina, s'échinant inlassablement à proposer la botte à Saddam Hussein pour éviter les deux guerres du Golfe, témoigne bien d'une rétivité à la guerre consubstantielle à cette belle nation. Le second élément est plus particulièrement lié à l'assertion du général. Je ne vous apprendrai rien en rappelant que l'instabilité gouvernementale est une constante de la vie politique italienne d'après-guerre. En effet, dans ce pays limitrophe, le souci porté à la chose publique, s'il s'attache aussi aux mamelles qui sont le pâturage et le labourage, a bien du mal à s'extraire d'un petit cercle d'initiés, joyeusement animé par un ancien président du Conseil dont la principale angoisse peut se résumer ainsi, comment duper 313 vierges par an avec le même fromage, le Bunga Bunga étant traditionnellement suspendu les dimanches pour des raisons liées au sport et à la religion. Mais trêve de trivialité, et revenons donc plutôt à notre terrain, à ce terroir parmesan emblématique de la trilogie méditerranéenne faite de blé, d'agneau et d'olives. Au passage, on ne manquera pas de souligner que l'omniprésence de la tomate ne date guère de plus de 3 siècles, et même si Marco Polo avait peut-être ramené quelques pâtes au préalable, difficile de ne pas se gausser de la béchamel qui vient accompagner les délicieuses lasagnes. Résumer l'authentique cuisine italienne à la seule pizza, voilà donc bien un raccourci rhétorique qui ne nous honore pas. Tant pis. Et comme il est toujours plus agréable de lever 2 lièvres plutôt qu'un, j'aimerais profiter de cette tribune libre pour évoquer le scandale parmesan. Parmalat, ancien sponsor de l'AC Parme, équivalent de l'affaire Enrod, une perte de 14 milliards d'euros et la ruine de 135 000 petits épargnants qui, me direz-vous, n'avaient qu'à se consacrer à la traite des chèvres. Aucune objection. En effet, Parmalat a depuis été reprise par Lactalis, premier groupe laitier mondial basé à Laval et intoxiqueur notoire via ses ambassadeurs présidents et chaussés aux moines. Par conséquent, l'AC Parme est devenu le Parme FC. Un scandale étouffé dans l'Hexagone. Phénomène peut-être pas totalement indépendant du second, passé sous silence, bien qu'il sévisse tous les jours dans les hypermarchés et les plus ou moins grandes surfaces. Au risque de passer pour un grand parano et indépendamment de mon goût peu prononcé pour la fermentation, je dois bien concéder, me sentir investi d'une mission ce soir. Celle de mettre un terme à l'usurpation permanente de ce gran padano, rencontré dans les tables de cuisine les plus vénérables, mais aussi sur les tables basses et beaucoup moins respectables, où elle côtoie mégots, canettes vides et autres manettes de PlayStation. Le gran padano est une plaie. Le gran padano est un putride ersatz du nom moins répugnant, Parmigiano Reggiano, lequel a au moins le mérite d'être gorgé d'histoire. Le gran padano ne mérite rien moins que de finir bouilli dans une fondue savoyarde ou envoyé dans une pelle à raclette. Le gran padano est l'ultime ignominie. Des adorateurs de cuisine italienne, des imposteurs en toque à moustache, des agitateurs de mains aux chevilles d'argile. Pour terminer cette chronique sur une note moins véhémente et rappeler le rôle géopolitique conjugué de l'immigration italienne et de son industrie fromagère, l'envie me prend de vous narrer la célèbre et injuste histoire des frères des enfants Zola, Émile, Gianfranco et Gorgone. Émile, l'aîné, fit sienne la langue de Molière et se prit de passion pour la défense du noble capitaine Dreyfus. Gianfranco prit l'avion et quelques kilos dans les jambes avant de faire le bonheur de Chelsea. Quant à Gorgone, le Benjamin, affublé d'un tel prénom non pas de par la dangerosité de son regard mais plutôt par celle de son haleine, il vit son nom à jamais dissolu dans la quatre fromages, destin brisé que celui du plus prometteur des enfants Zola. Ainsi, comme aurait pu le pressentir notre bon vieux général, qui doit à l'heure qu'il est se retourner dans son lit en recontant les voix de ses tristes descendants, nul n'est prophète en son pays. Voilà, on ne peut qu'applaudir, docteur, une chronique d'une telle tenue. Je voudrais relever une de vos phrases, cependant, parce qu'ici, on connaît tous votre goût peu prononcé pour la fermentation, comme vous dites, la fermentation du lait. Mais la fermentation céréalière vous pose un peu moins de problèmes, semble-t-il. Un peu moins de problèmes, oui. J'avoue être un aficionado de la fermentation céréalière, des panifiables et autres céréales. Et j'y joins le blé noir, ce fameux sarrasin qui n'est pas fermenté, lui, sans gluten, à recommander pour tous. Merci, docteur. Merci. Comment est-ce qu'on enchaîne après un tel pamphlet, cher Brett ? On peut faire une petite pause et revenir au match. Il semblerait que le match est repris. Interroger Magic avant d'enchaîner sur un autre sujet. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, Magic. Très bien, oui. Mon cher Manu Amor. Le match vient de reprendre à l'instant, il y a une minute. Il est reparti sur les mêmes bases que le principal de la première mi-temps, à savoir une équipe de Parme très bien organisée qui joue... qui joue mieux que les Milanais. Et à l'instant, un centre venu de la gauche et qui atterrit sur la tête de l'attaquant principal de Parme, mais qui finit légèrement à côté des cages de Julio César. Donc toujours 0-0. Je vous disais que l'équipe de Parme domine ce match depuis le début de la rencontre, même si les Milanais de l'Inter, deuxième du championnat, sont parfois très incisifs dans leurs actions et dans leurs attaques. Ils peuvent être dangereux à tout instant et marquer à n'importe quelle minute. Mais pour l'instant, voilà, le ballon est plutôt parmesan, mais toujours 0-0. Ça devient risqué de prononcer le mot parmesan, Magic, maintenant. Faites attention. J'ai bien compris le scandale dont parlait notre cher docteur. Écoutez, je ne me sens absolument pas concerné. Voilà, moi je suis un spécialiste de foot et uniquement de foot, comme vous le savez tous. Merci Magic. On va continuer donc sur notre sujet gastronomie et football. Quand même, on va enchaîner sur Marseille. Et le fait qu'on soit à Marseille, parler de foot et de cuisine, c'est incontestablement, il faut parler de pizza. Et donc, on vous a préparé pour l'occasion, chers auditeurs, un medley spécial pizza à partir d'interviews que nous sommes allés réaliser et de captages sonores sur Internet. Donc, on va écouter d'abord un petit extrait qui retrace de manière brève et assez ludique l'histoire de la pizza. Et on discutera ensuite plus profondément du sujet. La pizza existe depuis l'Antiquité grecque. Les tribus primitives cuisaient la pizza en plaçant de la pâte sur les pierres, près du feu. Ils recouvraient cette pâte d'huile d'olive et d'herbes et même de vin. Comme garniture, ils ajoutaient des légumes et un peu de fromage. Eh oui, cette pizza est l'ancêtre de notre fameux pain focaccia. Ce sont les Grecs qui ont pensé à laisser un rebord croustillant à la croûte pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Les Romains ont exporté l'idée en Italie. Heureuse initiative, puisque les Italiens, et surtout les Napolitains, y ont ajouté un ingrédient essentiel, la tomate. Ils n'ont guère le choix. Naples est située dans une région pauvre, où les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Dans leur quête d'amélioration du menu, la tomate aide les Napolitains à agrémenter leur quotidien. La tomate est très pratique. On la plante et quelques mois plus tard, le plan regorge de tomates. Les Napolitains doivent frôler la famine avant d'ajouter la tomate à leur menu. La plupart des Européens la détestent. On lui reproche de faire partie de la famille des Solanacées, qui renferment des espèces vénéneuses, et on l'accuse de mains autres maux. Sa chair est flasque, elle est rouge, elle n'est pas de la bonne couleur, son goût est mauvais. Toute raison est bonne pour la rejeter. Contre toute attente, son goût est exquis. Lorsque les Italiens s'aperçoivent qu'ils peuvent la savourer sans s'empoisonner, ils l'adoptent avec enthousiasme. La tomate devient un élément clé de la cuisine rustique de l'Italie du Sud. En 1889, la reine Marguerite séjourne à Naples et la pizza est élevée au rang de mets national de l'Italie. Un boulanger napolitain lui a offert une pizza aux couleurs du nouveau drapeau national. Il l'a garnie de tomates rouges, de basilic vert et de succulent fromage mozzarella blanc, traditionnellement fait à partir de lait de bufflone. En offrant cette première pizza marguerite à la reine, le boulanger effectue aussi la première livraison à domicile. Chers auditeurs, nous venons, par ce petit reportage, de faire un joli rappel sur l'histoire de la pizza. Et si on revient à Marseille, laissez-moi vous conter quelques précisions sur ce sujet. Il faut savoir qu'au départ, quand elle arrive à Marseille, donc la pizza est blanche, on l'appelle la bianca, c'est-à-dire qu'elle est enduite de crème ou de saindoux, mais elle vire au rouge tomate dès les années 1920. Aujourd'hui, on trouve surtout à Marseille une tradition de pizza au jambon fromage, et plutôt que de la mozzarella, c'est de l'emmental qu'on utilise pour la garnir, mon cher Brett. Tout à fait. En 1962, ne soyons pas chauvins, mais Marseille invente le camion à pizza. Eh oui. Ce qui est encore une invention marseillaise, il s'inspire de ce que faisaient les Napolitains avec leur laboratorio, qui est une petite guérite où l'on cuit la pizza dans un four dédié. Les Marseillais reprennent le commerce ambulant traditionnel pour inventer cette nouvelle façon de consommer la pizza. Donc la première pizza ambulante appartient à un certain Jean Mériton. Il porte bien son nom, je pense. Bien, Il mérite plein de choses désormais. Steward, navigateur marseillais, qui, le premier, a eu l'idée de fabriquer des pizzas à la demande sur la voie publique d'une manière régulière et professionnelle. Alors au départ, le four était véhiculé dans une remorque, mais très rapidement, on a l'idée de l'intégrer à l'intérieur du véhicule, qui en devient un objet consacré. Je ne sais pas qui nous écrit ces textes, mais ils sont pétris de participes passés extrêmement définitifs, mais c'est très chouette. Dans les années 60, on va compter jusqu'à 300 camions à pizza dans toute la pizza. Alors, nous sommes partis goûter la pizza auprès de deux pizzaïolos de la ville. Pizza Papa, qui se trouve sur la plaine, et JD, qui a son camion sur le boulevard Eugène Pierre. Alors, on écoute un petit reportage, c'est ça, Brett ? C'est ça, tout à fait. On parlera après peut-être plus amicalement de Pizza Papa et de JD. À la femme du monde, je travaille des fois aussi bien qu'il n'y a pas de match, que c'est pas vraiment les matchs qui s'intéressent. Mais après, bon, quand il fait beau, ils s'intéressent aussi, je travaille autant. Et c'est les locales qui travaillent le plus. Moi, je suis seul à travailler. C'est 8h20. Je suis sans rien faire. Donc voilà, je... Peut-être... normal, il n'y aurait pas de match peut-être. Je travaillerai un peu plus. Parce que les gens, ils sont réunis, ils sont à la maison. Et ils commandent, ils se font livrer. Voilà, maintenant, quand ils jouent au vélodrome, peut-être, des fois, il y a le passage. Ouais. Les morceaux, tu vois, les gens, avant d'arriver au stade, là-bas, il y a la queue. Je m'intéresse quand ils jouent, parce que ça peut m'apporter quelque chose. S'ils jouent ici, tu vois. On est 5 camions sur notre âme du mort. Chacun ses soirs. Quand c'est férié, on prend l'emplacement du dimanche. On vous l'a coupé en combien, la pizza ? Tout seul. 8. En 8 ? Ouais. Allez. Alors, ça fait combien de temps que vous faites des 18 ans. 18 ans de pizza. Là. Dans ici, le camion, là, ici. Dans le camion. Au Kama. Au Kama. Ah ouais. Enfin, au Kama. Au Kama, c'est là-bas. Oui. Là, c'est le jeune Pierre. Et j'ai aussi mardi, vendredi au Kama. Donc oui. J'ai les deux en famille. Moi, je ne travaille pas le samedi. Ah, pour les soirs de match. Non, pas pour les soirs de match. Non, c'est pour la famille, en fait. D'accord. Je veux voir grandir les enfants. Donc, j'ai pris le samedi. C'est tout pour moi, tant pis pour moi. Et au moins... Aussi, avec des potes, on se réunit, on mange beaucoup devant un beau match de foot. Alors toi, j'ai vu que tu faisais des livraisons ouais. À partir de ton camion. Mm-hmm. Et alors du coup, les soirs de match, comme ce soir, là, il y a... Livraison. Ah, livraison. Et alors ça marche trois fois plus qu'un soir normal, sans match. Ah, par rapport à deux fois plus. D'accord. Ça double... Alors on va pas dire que ça double, parce que c'est pas vrai, c'est pas tant que ça, mais... Mais ça apporte un gros plus. C'est un gros plus. Oui. Ils commandent en groupe en plus. Voilà, ils se réunissent. C'est des bars. C'est surtout des bars aussi. Nous, on est entouré de bars. Bon, lui, il ferme parce qu'il ne veut pas rester trop tard parce qu'il fait des heures de fou. Et là, si vous faites le boulevard Chaves. Ouais, tous les bars sur le boulevard Chaves. Ils ont tous l'écran. Donc moi, j'ai un peu des clients à droite à gauche. Donc ils sont réunis. Ah bon, on se fait la pizza là. Ah, bah, donc on arrose un peu tous les bars. Et ça fait partie de, voilà, d'une bonne soirée foot. Ah oui, ça c'est un art de vivre. C'est footballeur. Marseille. Par contre, à la commande sur place, soir de match. C'est pareil. C'est pareil, il y a autant de monde. Mais c'est toujours pareil, ça fait 18 ans. Ouais. Moi, ça fait 18 ans, mais les gens, ils en ont rien à foutre du foot aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Non, je ne suis pas là à suivre tous les mouvements, ce qu'ils font, le ci, le là. Mais je le suis, parce que les soirs, je suis obligé de préparer plus. Et là, c'est important par contre. Ouais, là, c'est important. Obligé de savoir déjà s'il y a un match. Et voilà, pas match. Mais voilà, déjà je suis obligé. Mais c'est vrai qu'à la base, je sais qu'ils vont y jouer, je sais tout ça. Donc, mais l'un fait que voilà. Mais oui, mais bien sûr, je suis obligé. Oui, je suis l'OM parce que voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à cuisine, foot, pizza? Ça va ensemble. C'est simple, hein. Tu vas faire tout Marseille entier. Marseille entier, tu leur poses cette question. Si l'OM va pas bien, tu le ressens? Voilà, tu attends la réponse. Non. Il est mort. L'année dernière, c'était catastrophique. L'activité pizza, catastrophique. Catastrophique. Ah oui, donc il y a une corrélation la directe. La France, l'OM, le ci, le là, c'était les mains sur les cheveux. Ils regardent plus. Ah oui. Même là, cette année, ils ont repris, ils sont premiers, ça fait ça fait 4 matchs qu'ils sont plus premiers. Oui. Mais jusqu'à après, c'était la folie. Ah ouais. Démence. Un début de saison. Mais c'est génial. Ah ouais. Mais bien sûr. Ah oui, donc il y a quand même. Mais c'est lié. Je te dis. C'est... Donc tu le sens. Ah oui, complètement. Ah oui. Et alors même avec. Quand l'OM va, tout va. Voilà, c'est le mot. C'est la phrase. Ouais. Ah, tu la veux, tu l'as. Tu l'as. D'accord. Il y a eu les plus belles années de l'OM, ou même de l'équipe de France aussi. Hein, parce que c'est le top. Marche avec le foot complètement. Ouais, c'est les plus grosses soirées. Hein. Ouais, les plus gros matchs, c'est mes plus grosses soirées. Hein. S'il n'y a pas l'OM, il y en a la trois quarts qui s'en vont. Ben voilà, qu'est-ce que tu vends des boissons avec ou avec tes pizzas? Ouais, bien sûr. Les gens, les soirs de match, ils prennent les boissons. Coca. Pizza Coca. Ça va ensemble. Et ils vont pas prendre ma bière à 1,50 la canette. Coca. Pizza Coca. Ouais. Pizza. Enzo Coach, c'est un peu le pape de la pizza. Oui. C'est lui qui porte le drapeau. Alors, Brett, c'était très intéressant. Ah oui, merci. Merci à papa et merci à. JD. Ouais, et alors ce qui est également intéressant, c'est que pendant la diffusion de ce reportage, nos deux invités n'ont cessé de converser sur tout un tas de camions pizza dans Marseille. Je crois, Pedro, qu'il y en a un en particulier qui vous tient à cœur. Oui, c'est un camion qui se trouvait sur la boulevard Bay. Oui. Boulevard Bay, l'intersection de Courlioteau. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un camion qui est super bon. Et le messier, il fait la pizza, il fait la pâte devant toi. Et la sauce, elle est super bonne. Ça coûte 50 centimes de plus que les autres camions. Ça coûte 2,50 la part. Mais il est vraiment bon. Et il a un grand écran, une télé où il projette une vidéo sur lui en train d'expliquer comment il fait la pâte et tout ça. Du coup, c'est vraiment. Ça, c'est bien. Et il y a un autre camion qui est devant la préfecture Estrangeant, oui. Qui est aussi pas mal. Bah, c'est toujours très bon d'avoir des bonnes adresses de camions de pizza. Valentine, peut-être ? Oui, justement. Alors. Ah bah oui, parlons-en. Ça tombe bien parce qu'à cet usage, la Brousse, pour son premier numéro, offre au lecteur une carte sérigraphiée, la carte mondiale des camions à pizza marseillais. Et donc qui va être un dépliant central qui est en train d'être sérigraphié à l'heure où je vous parle. En ce moment même. Et expliquez-nous le pas, pardon. Alors voilà, la preuve, c'est ce que dit Pedro, c'est la preuve, c'est qu'on a tous notre camion à pizza. Et quelque chose en nous de Tennessee aussi, je crois. Quelque chose d'un petit camion à pizza et on a tous voilà notre recommandation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tout le monde. Bon alors, c'est lequel? On est allé, puis après on est allé sillonner la ville, puis après on a tout placé sur une carte, on a fait cette très belle carte qui sera en plus un objet d'une, d'une beauté plastique irréprochable. Est-ce que les toilettes, par exemple, peuvent être un bon endroit pour... parce que je sais, moi, par exemple, je mets des choses à afficher dans mes toilettes parce que c'est un endroit où on peut mémoriser... Vous commenciez de manière totalement... Et pourquoi pas dans la cuisine? Étrange. Pourquoi pas dans la cuisine, finalement? Sur le frigo. Moi, j'avais juste une question. C'est quoi la carte mondiale des camions pizza marseillais? C'est que il y a le camion à pizza marseillais n'existe qu'à Marseille, dans le monde entier. C'était pour donner un petit peu d'importance. D'accord, voilà. Mais c'est très bien, je suis d'accord. Docteur, vous avez, vous, une adresse de camion à pizza à recommander à nos auditeurs? Oui, il y a un très bon camion à pizza qui se trouve entre Naples et Rome, là, que j'ai pas mal goûté cet été. À Marseille, ils mettent du fromage dans toutes leurs pizzas. Donc, très difficile d'avoir une part de pizza sans fromage. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas aficionado de ce produit. Non, rien à signaler en terre phocéenne. Même la meilleure pizza aux anchois de tout Marseille, vous ne la localisez pas? Pas encore trouvé. On va la chercher. Alors, on va enchaîner, Brett, avec un reportage de nos confrères de France Inter, je crois. Qui s'est attaché à décrire un aspect assez particulier de cette pizza. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de la naissance de la pizza à Naples et que la ville de la pizza serait Naples, une certaine Alba Pezzone, qui est un chef de cuisine et qui est directrice d'une école de cuisine italienne à Paris, a rencontré et présente pour elle le plus grand pizzaiolo napolitain qui s'appelle Enzo Coccia et qui ferait d'après elle de vraies pizzas d'esthète. Donc on écoute et puis je propose qu'on retourne au stade un petit peu pour voir ce qui se passe juste après cet extrait. Enzo Coccia, c'est un peu le pape de la pizza napolitaine. C'est lui qui porte le drapeau de la pizza napolitaine partout dans le monde. Il a une école de formation, il est dans le guide Michelin quand même. Et il y a 20 ans, il a quand même fait un peu la révolution à Naples puisqu'il a lancé une pizza qui se dégustait. C'est-à-dire, on est assis à table, on boit du bon vin, une bière de fabrication artisanale. Et puis, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, Enzo, c'était un peu la locomotive de ce livre. Mais il n'y a pas que lui. C'est une chose sérieuse. Il est amoureux des ingrédients napolitains. Et si vous allez un jour chez lui, vous verrez à sa carte des pizzas qu'il appelle les pizzas doc, des pizzas AOC. Parce qu'en fait, chez Enzo Coccia, la pizza, c'est de la culture qui se mange. Il a un réseau de producteurs fabuleux et ses produits, vous les trouvez sur ses pizzas. Donc, c'est une manière de voyager à côté de Naples. Alors, simple, ce n'est pas facile et populaire, ce n'est pas pauvre dans la pizza. Donc, en fait, ça a l'air simple, mais c'est très soigné. Par exemple, j'ai appris chez Enzo, l'art du dosage. Il me dit, tu sais Alba, que je calcule la quantité d'huile d'olive que je mets sur ma pizza par rapport à la matière grasse que contient la mozzarella. De manière très empirique et intuitive, mais c'est-à-dire que pour lui, c'est un équilibre. Donc l'art de bien doser les ingrédients, de bien les superposer pour que chacun d'eux soit valorisé. Et ça, c'est quand même chez lui. Donc il réfléchit, Enzo. Il pétrit le matin, ça pousse pendant 12 heures ou 14 heures, il n'est ouvert que le soir, et le soir... Donc voilà, merci donc Alba Pezzone. Donc si on veut manger une pizza à Naples de ce fameux Enzo Coccia, il faut y aller tôt parce qu'il n'y en a que 80 de disponibles par soir. En tout cas, on en apprend un petit peu plus sur ce sujet. Je trouve qu'on progresse dans notre enquête. On avance. Et justement pour encore... Ah non, pardon, excusez-moi, on avait dit qu'on irait au stade. Stade, Magic s'impatiente. Ouais, et il se passe des choses, je crois, Magic. Oh là là, quel match. C'est en train de s'emballer ici... Au stade Ennio Tardini de Parme, la domination est toujours parmesane, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est encore ce qui se passe sur le terrain, mais les Milanais comprennent très bien qu'il faut très vite marquer s'ils veulent rejoindre la Juventus de Turin en tête du championnat. Et il y a quelques secondes à peine, un tir tonitruant du jeune Guarin, le jeune attaquant de l'Inter de Milan, des 35 mètres plein centre, et qui a failli tromper le gardien de Parme. Et mais voilà, toujours un match très très très fermé, très enjoué également, et toujours 0-0 malheureusement. Mais je crois qu'il va y avoir un but d'ici la fin du match, puisque les deux équipes sont vraiment décidées et motivées pour gagner ce match là. Merci Magic. Dans Sambalé, Magic, il y a Samba, non? Dans Sambalé, il y a Samba et bien sûr, il y a de nombreux Brésiliens ici dans le championnat italien. Et je pense que l'apport des Brésiliens dans ce championnat est de très bonne qualité. Et oui, ça danse. Merci Magic. Bon, alors on va continuer à avancer dans notre enquête sur la pizza, qui constitue un petit peu le cœur de cette émission. On a vu tout au long des reportages précédents combien les footeux aimaient la pizza. Et on va maintenant, avec Sylvie Sanchez, progresser et, je crois, amener une conclusion définitive à ce sujet qui lie la pizza et le football. Oui, alors Sylvie Sanchez s'est plutôt intéressée sur le on pourrait dire brillamment, le déplacement de la pizza de Napoli vers le monde entier. Donc Sylvie Sanchez est docteur en anthropologie au centre de recherche Nestlé à Lausanne. Elle est également chercheure associée au centre Edgar Morin. Docteur, hein, docteur chose et à... Dites maintenant. Vous gossez de l'indépendance de notre spécialiste. Si, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites maintenant ou vous taisez à jamais. Je crois que Manuel Amour a bien compris ce que signifiait mon petit rire. Donc, mais je vous laisse continuer, mon cher Brett. J'aurais dû mettre docteur en anthropologie au centre de recherche Nestlé, entre guillemets. Bon, de toute façon, bien raison. Nous allons l'écouter. Je vais finir un petit peu de la présenter parce que je disais qu'elle était chercheur associé au centre Edgar Morin, un centre de recherche en sciences humaines français, affilié à l'école des hautes études en sciences sociales. Bref, donc Sylvie Sanchez nous parle du déplacement de la pizza au travers le monde. La pizza signe la mondialisation d'un phénomène culturel. Par contre, et c'était ça l'intérêt de la suivre, on voit bien qu'il n'y a pas d'homogénéisation culturelle. C'est-à-dire à partir du moment où elle part d'Italie et où elle s'expatrie en France et aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est de suivre la façon dont elle va être adaptée à chacun des pays, à chacune des cultures qu'elle rejoint. Elle suit les courants migratoires des Napolitains. Donc c'est à la fin du 19e siècle, donc il y a en quelques décennies, il y a à peu près 26 millions d'habitants qui vont s'expatrier, parmi lesquels donc ces Napolitains. Et il suffit de suivre les Napolitains dans leur parcours migratoire, donc en France et aux États-Unis, voir les premières traces de pizza. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a deux types de pizza avec lesquels les Napolitains partent au départ, la bianca et la pizza rossa. Donc on retrouve la forme bianca à Marseille, parce que les Napolitains pouvaient prendre le bateau et s'arrêter à Marseille, et on retrouve la forme rossa à New York. Pareil, c'est au début du XXe siècle, et donc c'est à partir finalement des foyers napolitains que tout doucement, alors on peut parler du processus, hein, que tout doucement elle va être retravaillée localement, et on peut suivre ça au fil des générations de Napolitains. Il faut à peu près 3 générations pour que la pizza devienne à peu près complètement nationalisée, on va dire. Alors à l'époque, on va tourner en rond, à l'époque, tant qu'elle reste dans les communautés napolitaines, c'est la même pizza que ces Napolitains faisaient à Naples avant de partir. La même chose en France. Donc en fait, il faut que les populations, que les Américains commencent à rencontrer ces Napolitains pour qu'il y ait une évolution qui se fasse et que de nouveaux syncrétismes et de nouvelles formes de pizza commencent tout doucement à être fabriquées. Donc ça, aux États-Unis, ça n'arrive pas avant les années 20, par exemple. En fait, la pizza, et c'est ça qui fait qu'elle est restée vivante et qu'elle a pu s'adapter, chaque fois qu'elle arrive quelque part, dans une zone géographique et culturelle, elle est retravaillée en fonction de sa cousine locale. Ça constitue en fait un modèle de référence. Alors, pour la ligne Nantes-Besançon, pour le nord de la France, en fait, on voit que la pizza a été retravaillée par rapport au modèle de la crêpe, parce qu'on la retrouve d'abord en Bretagne et dans le sud de la France, elle est retravaillée par rapport à d'autres formes qui étaient très très proches de la pizza et qui ont disparu, parce que c'est ça aussi l'histoire de la pizza, partout où elle est plus avantageuse que sa cuisine locale préexistante. Eh bien, je crois que grâce à Sylvie Sanchez, malgré bon, les réserves, on le comprend, émises par le docteur, on en sait beaucoup plus maintenant sur la pizza, et je pense qu'on va refermer ce dossier pour avancer dans notre émission. Mais, quand même, comme transition, je crois, Pedro, que vous nous parliez d'une pizza qui se fait en Argentine, qui est assez spéciale, qui s'appelle la Fugaceta, je crois. Tout à fait. C'est une pizza qui vient avec des oignons, qui a des oignons dessus, et farci avec de la mozzarella. Du coup, c'est une pizza farcie de mozzarella. Et on mange avec une autre galette qui s'appelle faina, qui est faite à base de la farine de pois chiche, de l'eau, de l'huile et de sel. Ça, c'est vraiment aussi végétarien. Il n'y a pas de fromage dessus. C'est vegan, quoi. Mais les Argentins sont un peu des Italiens, non ? Comme les Marseillais, c'est un peu ouais. Tout ça, c'est Rital et compagnie. Justement, Buenos Aires, c'est Buenos Aires. Dans le micro, Pedro, s'il vous plaît, oui. C'est vraiment le port où il y a tous les Italiens qui sont débarqués au début des siècles, notamment dans le quartier de La Boca. Le quartier de ça vient les meilleures équipes de l'Argentine, Boca Juniors. Oui. Et voilà, tous les Italiens, ils se sont installés à La Boca parce que justement, ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses, de parallélisme, ça se dit ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec l'Italie, parce que c'est un port, voilà. De toute façon, pour vous couper un peu, Pedro, on a bien vu que La Boca, par le biais de son plus petit, mais son plus grand prodige, avait rendu quand même... la réciproque à la ville originelle de la pizza. Napoli, oui. Annapolis. Et je ne vais m'épargner la traduction française de La Boca, qui est la, oui, hein. La bouche. Mais c'est bien de quand même le dire pour nos auditeurs qui ne parlent pas la langue de Cervantes. Et le stade de La Boca s'appelle La Bombonera. Si. C'est la boîte à bonbons. Et qui est alors le théâtre d'un derby terrible. Entre River Plate, que c'est les bourgeois, oui. Ou los millonarios, les milliardaires, oui. Et la Boca, qui c'est les bosteros, la bosta, c'est les crottes, la boue de vache. La plèbe, quoi. Ah oui, la boue de vache. La caca de vache. Ah. Le fourrage. Voilà. Du coup, ils s'appellent les bosteros aux supporters de Boca, parce que la Boca, ça sent mal, parce que c'est à côté de la rivière, et voilà. Et parce que c'est des pauvres. Bah, ça tombe bien que vous ayez pris la parole, Pedro, parce que ça va être à vous. Je crois que... Eh oui, on va s'intéresser à votre cas maintenant. Vous êtes cuisinier, Pedro, de formation ou du moins de passion. Et vous êtes aussi musicien. Vous pratiquiez le foot de manière amateur. Mais dans un club qui s'appelait, je crois, le... Club Platense. Platense. Je ne sais pas si le plus grand joueur argentin de tous les temps, qui a joué dans le plus grand club français de tous les temps, Jorge Bruchaga, vient de ce club-là, je ne crois pas, mais non. Il y a Alfredo Cassini, oui. Qui a joué en Boca Juniors, et il a joué dans la sélection d'une équipe argentine, dans les années 90. Mais il n'y a pas d'autres... joueur assez connu. C'est une petite équipe. C'est pas la ça peut être comme Montpellier. Oh, c'est dur pour les Montpellierains, mais c'est oui. Donc vous êtes musicien. Pedro, alors on va faire juste une petite pause. On va repartir au stade. Excusez-nous, Pedro, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oui, allô, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ça fait un moment que je vous appelle. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend, Magic. Ah, en tant que vous, cher Manu Amor, je vous signale depuis tout à l'heure par la lumière rouge. Je voudrais me signaler parce que il s'est passé quelque chose, et comme je l'avais prédit, le match s'est emballé et l'équipe qui dominait, l'équipe de Parme, a marqué un but par son joueur Sanzone. Et voilà, je voulais pas vous déranger plus que ça dans votre... Racontez-nous ce but, Magic, un peu quand même. Écoutez, je vous raconterai ça tout à l'heure. Pour l'instant, ça s'échauffe sur le terrain, donc je vais aller m'en renseigner. Je reviens tout à l'heure. Très bien. Pas de souci. Merci, Magic. Alors, on revient à vous, Pedro. Nous disions que vous étiez cuisinier, musicien, et vous vouliez, je crois, vous nous avez déjà parlé de pas mal de spécialités argentines, mais je crois que vous vouliez nous parler d'un plat, les empanadas, je crois. Les empanadas. Empanadas. Quelque chose, quand on a préparé l'émission avec vous, vous nous avez dit qu'il s'y est à merveille avec... un match de foot à la télévision, quoi, par exemple. C'est un peu la pizza argentine. Enfin, oui, en fait, c'est la utilisation. C'est ce qu'on mange avec la pizza. À côté d'une pizza, tu manges une empanada parce que c'est une empanada, c'est une espèce de chausson. C'est un chausson. Et de la taille de la main d'une personne un peu plus petit peut-être, comme un chausson aux pommes, ouais. Tout à fait, mais farci avec de la viande hachée, des olives, d'œufs durs et de la tomate bien assaisonnée. Ça c'est pour les gens qui mangent de la viande. Après il y a des autres farcis comme je sais pas, par exemple, il y a fromage, oignon, il y a maïs, sauce blanche. Il y a aussi plus végétarien, roquefort, céleri et noix. Mais la plus populaire, c'est la viande hachée. Et c'est vraiment quelque chose pour... c'est quelque chose, un plat assez facile à manger devant la télé en regardant un match, parce que on a besoin que de notre main pour manger. On fait pas la vaisselle après, du coup c'est très très pratique et très bon. Et ça se fait au four ou aussi frites, qui s'appelle soufflé, mais frites c'est vraiment plus lourd. Mais il y a des gens qui préfèrent frites, moi je préfère au four. Et en même temps, pour regarder un match, une bonne pizza avec des empanadas et de la bière, c'est top. Ouais, on veut bien vous croire. Ça a l'air pas mal. Ouais. Alors moi j'ai une question. De par ma maigre connaissance du continent américain, il me semblait tout de même que l'empanada pouvait aussi se manger froide, dans le sens qu'on pouvait l'emporter par exemple, et qu'elle était justement dédiée à cet usage, à savoir finalement servir de panier repas pour ceux qui ne pouvaient pas faire autre chose que de faire les empanadas à la maison et de les emmener sur le lieu de travail. Donc il y a aussi cet aspect-là de l'empanada. Tout à fait. En fait, quand je parle de manger ça devant la télé pour regarder le match, je ne dis pas forcément qu'on le fait, parce que normalement on est avec des copains, du coup on le commande. Parce que vraiment, l'empanada, c'est vraiment le plat qui est un peu comme la pizza ou comme les kebabs ici. Tu le trouves partout à Buenos Aires. Tu peux commander partout, il y a des kiosques qui font ça. Et c'est vrai, tu peux le manger froid, tu peux l'amener dans ton boulot, parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux le garder sans trop de galère. Dans la poche. Voilà, c'est pas une dope, tu peux le garder dans la poche. Tu peux le manger plus. Quand une dope dans la poche, il faut un kawé, mais c'est quand même pas mal. On inventera la poche réfrigérante ou chauffante, hermétique. Pedro, on vous laisse la parole, mais plutôt on vous laisse, je crois, Brett, c'est le moment de la pause musicale. La pause musicale et peut-être de... Pedro. Pardon Brett, oui, je vous ai coupé. Non, mais j'allais juste dire que du coup vous étiez musicien aussi, vous officiez dans des groupes... dont un projet solo qui s'appelle Moondown, oui. Vous êtes donc tout seul à la guitare, c'est ça? Tout à fait. Et un projet qui s'appelle Eastern Committee, où vous jouez donc avec deux autres personnes. Oui, Julia qui joue la batterie, qui chante, et Nicolas qui joue le clavier, et la guitare électrique. Et voilà. Et tout récemment, là, vous jouiez sur scène avec Tiger Mountain. Tiger Mountain, je joue la guitare électrique et le clavier. C'était la première fois À Marseille, oui. Ça s'est bien passé, je crois. Où on a joué juste ici à côté, ouais. Dans une petite salle qui est à côté. Au cabaret aléatoire. C'était le cabaret ? Le cabaret aléatoire. Ouais. Et ça s'est bien passé, ouais. Vous allez interpréter pour les auditeurs de des bâtons d'Anguirou ce soir un morceau ? Ouais. Mais je crois que c'est le moment. Allez. Alors, pendant que vous vous préparez, peut-être deux secondes, on fait un petit détour par le stade pour savoir comment ça se passe. Oui, avec vous, Magic. Et on vous entend très bien, Magic. Hein. Entendez très bien, c'est formidable. Le match donc s'est emballé et Parme qui mène 1-0 depuis la 83e minute et qui semble bien parti pour remporter ce match. Voilà, un but de Sanson, comme je vous disais, un but magnifique, une remontée du ballon de 40 mètres avec une accélération foudroyante de l'attaquant de Parme qui évite au dernier moment un tacle de l'attaquant de Milan Guarin et qui frappe un tir de mule comme on dirait dans le jargon footballistique. Et voilà, 1-0 grâce à ce magnifique but de Sanson. Milan a compris qu'il fallait réagir tout de suite, et puis juste après un tir à l'entrée de la surface de réparation qui a failli tromper le gardien parmesan, mais voilà, celui-ci l'a arrêté de main ferme, et toujours 1-0. Nous jouons la 84e minute de jeu et toujours 1-0 pour Parme, et pour l'instant Parme tient bien sa rencontre et il semblerait filer directement vers la victoire, en tout cas jusqu'à ce que les Milanais ne marque un but. Voilà, pour l'instant 1-0, à vous les studios. De ceder, a punto de caer, estaré muy cerca, hablando al revés. public en délire dans les studios. Bravo Pedro. Bravo Pedro, merci. Pedro, on rappelle vos prochaines dates peut-être sur scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, j'ai joué en solo les 14 décembre. Dans quel endroit? Chez le disquaire Lollipop. À Lollipop, très bien. 19h, c'est une vernissage pour une expo de dessin. Oui. D'une dessinatrice, ça se dit comme ça, dessinatrice. Tout à fait. Ça s'appelle Martaka, que je ne connais pas personnellement. Mais bon, ils me sont invités pour jouer pour les respos. Et le 28 décembre, je joue à Bessier avec Ortailleur Mountain. Et voilà, ça c'est les deux dernières dates de l'année. Après, on a envisagé une petite tournée à partir mars, avril, et peut-être une tournée en Amérique latine, comme j'ai fait cette année. Et partir, je sais pas, partir qu'un peu. Eh bien, comme dit souvent le shérif, ça peut nous donner envie de Béziers. Ça peut nous donner envie de Béziers. Voilà, quelque chose qu'il dit souvent. Béziers qui n'est pas à Marseille. Alors, on enchaîne, Brett, avec... bon, là, on a parlé de la pizza de l'Italie, de Marseille, on a parlé d'Argentine, beaucoup. Il nous reste la fameuse galette saucisse. Ah, voilà. La terrible galette saucisse. On a démarré notre émission. On a commencé avec ça, comme dirait... c'était Tchekhov ou Tolstoï, quand il y a un fusil dans une pièce, il faut qu'il tire. Voilà. Là, donc il y avait une galette saucisse dans la pièce. Générique, il faut qu'elle tire. Alors, la galette saucisse, comme j'imagine la plupart de nos auditeurs le savent déjà, mais peut-être certains ne sont pas encore au courant, est essentiellement rennaise, et je parle de Rennes et de son entourage proche. Et voilà, en fait, on a trouvé dans nos archives, les archives de Radio Galère, tout d'abord une chanson qui va nous vanter les mérites de la galette saucisse. On en reparlera certainement avec l'oreille du musicien. Ouais, parce qu'elle va nous rappeler quelque chose, je crois, cette chanson. Très bien. Alors, on va écouter cette chanson, mon cher Brett, et après, je crois qu'on a un petit reportage. Après, on a un reportage donc sur cette fameuse galette saucisse piochée aussi dans nos archives. Sur le marché d'Hélice, si je ne me trompe pas, à Rennes, où entre autres est très populaire la galette saucisse. On écoute un extrait de la chanson. Et voilà, le moment tant attendu à toi, supportrice rennaise, supporter rennais, de mettre l'ambiance dans ce magnifique stade de la route de l'Orient, la chanson de la Bretagne. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos dans toute l'île de Vilaine, avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec les tripes de Caen et les rillettes du Mans. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos et des kilos dans toute l'île de Vilaine, avec du lait ribot, du lait ribot. J'aime bien les Lavallois griller au feu de bois, mais je n'en mange pas, ça donne mal au foie. Galette, si je t'aime, j'en mangerai des kilos et des kilos dans toute l'île et Vilaine, avec du lait ribot. C'est très très intéressant, André, ce qu'on vient d'entendre. On va quand même donner le nom du groupe. Oui, s'il vous plaît. Jackie and the Free Pix Revolution. Alors, j'imagine qu'on le prononce à la rennaise, qui doit être Jackie et le Free Pix Revolution. Révolution. Révolution, oui, c'est un petit peu hispanisant à Rennes. Alors, je suppose que Pedro est ravi par cet enchaînement musical. J'imagine que rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Et la galette saucisse, le shérif aurait été le mieux placé pour nous en parler ici dans le studio. Mais peut-être, docteur, vous avez un... on connaît vos acquaintances avec l'ouest de la France. Bien sûr. Alors, vous avez peut-être un mot à nous dire sur les origines et sur la composition de la galette saucisse. Alors, je trouve ça un petit peu étonnant que ce pays rennais, qui a quand même très facilement abandonné sa langue maternelle, se targue désormais d'être le représentant officiel de la galette saucisse. Voilà, je pensais que certains pays du Léon, du Trégor aurait été plus à même de le faire. Donc voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. Mais vous avez des arguments, des informations, des choses à nous donner? Parce que là, on reste un peu dans le flou, docteur. Moi, je me souviens tout simplement d'un championnat du monde de lancer de menhir auquel j'avais participé à Guerre-Lesquin en l'été de grâce 2008. Rappelez le département de Guerre-Lesquin? Guerre-Lesquin, c'est à la frontière entre le Finistère et les Côtes du Nord. Côte d'Armor. Côte d'Armor. Oui, maintenant on dit Côte d'Armor, mais je préfère dire Côte de Nord. Bon, ouais. Vous m'excuserez. Et donc c'est limitrophe. Hein. Je pense que c'est en Finistère, hein, Guerre-Lesquin. Et donc là-bas, on a mangé une délicieuse galette saucisse. On a bu du chouchen et la potion de notre ami Jacomanet, qui est une potion dont nous n'avons jamais compris la composition. Excusez-moi docteur, mais un auditeur vient de nous appeler pour nous dire que la galette saucisse que vous aviez mangée ce jour-là était confectionnée par un Rennais. Voilà. C'est pas de bonne, vous êtes suivi. Oui. Docteur. Donc c'est bien un Rennais, la galette saucisse c'est bien un Rennais, et le reportage que Brett nous allons diffuser on va juste dire que quand même cette terrible chanson sur la galette saucisse nous a été piquée d'un refrain très connu qui est le 51 je t'aime, j'en boirai des tonneaux et ainsi de suite. Mais on va écouter ce reportage sur la galette saucisse donc, et on revient après avec le docteur. Bonjour, à Rennes, il y a quelque chose dont on nous parle sans arrêt, c'est la galette saucisse. Bah nous on veut savoir ce que c'est. Alors, c'est tout simple, de la bonne galette et de la bonne saucisse. Dans la région rennaise, on la mange à toute occasion. Toute occasion est bonne pour manger sa galette rennaise, le marché des Lys, les marchés des alentours, le stade de foot. Les gens déambulent avec cette fameuse galette saucisse dans les allées du marché. C'est vraiment c'est incontournable du pays rennais. Déjà, on va en prendre une, effectivement. Donc ça se fait comment exactement la galette saucisse? Alors, j'ai eu peur. Déjà, on va commencer par en rouler une. Donc là, c'est sarrasin. Là, c'est sarrasin. D'accord. Donc, les noirs traditionnels. Voilà. Non, parce qu'à l'origine, c'est vrai que quand on remonte, il y a... on va dire 60, 70 ans en arrière, 50 ans en arrière. C'était la culture du Rennes, du bassin rennais. Quoi. La galette saucisse. La galette, c'est-à-dire que toutes les gens faisaient leur galette chez eux, gros feu de bois. D'accord. C'était la culture, c'est-à-dire que bon, comme c'était beaucoup des petites fermes, il n'y avait pas trop de sous, quoi. Donc ils cultivaient le blé noir et tout le monde faisait la galette. Partout où vous alliez dans toutes les fermes, tout le monde faisait la galette. D'accord. Sur les fermes, les petites maisons et tout, quoi. Il y a 40 ans, il y avait un monsieur qui faisait dans le bord des Lys, il avait une petite cabane, comme une cabane un peu de, on va dire, de douanier, quoi. Alors, il faisait ses galettes saucisses dedans, quoi. Et la saucisse, c'est une saucisse particulière? Saucisse de campagne. Donc celle de Guérande, du porc élevé à l'orge, et c'est arrosé au jus de viande, quoi. D'accord. Et donc il y a une manière un peu spéciale de la... Ah oui, on l'a refait, on l'a remis à chauffer. Ah non, j'en ai pas à chauffer. Normalement, la vraie tradition, si on veut prendre la vraie tradition à l'époque, c'était une galette froide, une saucisse chaude. D'accord. Pour retrouver les deux goûts. Mais beaucoup de gens les veulent chaudes, donc on les réchauffe. Comme vous avez vu, j'ai fait devant quoi. Mais c'est chaud. Hein. D'accord. Eh bien, merci en tout cas. Et puis pour ok, ben merci. Hein ok, pas de problème. Bonne journée. C'est gentil, merci. Bon, ben, je crois qu'on a fait notre marché, voilà, c'est la galette ici. Bon. Je crois avec ce reportage de docteur, vous n'êtes pas totalement discrédité, hein, puisque on admet que, à demi-mot, hein, on admet que d'une naissance dans le pays rennais, la galette saucisse a éventuellement gagné toute la Bretagne. Voilà. On peut trouver un terrain d'entente sur... Je ne connais pas cet auditeur qui a le coup de fil facile. Lui vous connaît par contre. Je dirais juste, comme on dit en terre phocéenne, que finalement, en entendant ça, la galette s'est rennée. Très bien, Brett, je crois que entre la pizza, les empanadas, la galette saucisse, on a fait une belle revue de tout ce qu'on pouvait, beaucoup de choses en tout cas qu'on pouvait déguster tout en regardant le foot, tout en aimant le foot, tout en jouant au foot. Une vraie gastronomie, de vrais bons plats comme le laissait supposer le premier reportage. Oui, on mange bien en face d'un match de foot. Je crois que c'est possible, je crois que c'est même nécessaire, comme le disait Lucien Limousin. C'est indispensable. Mais le foot, ce n'est pas que les gens des tribunes populaires, ce n'est pas que les gens dans leur fauteuil devant la télévision. Ce n'est pas que les joueurs de foot, c'est aussi les loges peut-être, Manuel. Alors, on le sait. Un certain nombre de gens fortunés regardent aussi les matchs de foot et sont invités à participer à cette grande fête qu'est la messe footballistique. Docteur, vous... Non, ça m'évoquait le cas François Pinault, qui est quand même le président de ce club rennais. Stade Rennais, oui. Vous faites bien de le dire. Et son épouse, d'ailleurs, Alma Hayek. Et son épouse. Alors, je crois que c'est l'épouse de son fils. Je crois que c'est peut-être plus son épouse, c'est son épouse, c'est l'épouse du c'est l'épouse de Pinault et lui-même. On va chercher des informations sur ce sujet-là. La prochaine émission, mais je crois que c'est l'épouse de François Pinault. Hein. De toute façon, son fils a moins d'argent, donc. En tout cas, pour reprendre le fil de notre émission, on va aussi, puisque dans des bâtons d'Anguirou, nous voulons être complets, nous intéresser à ce que mangent ces gens de la haute, ces gens qui viennent un petit peu se gausser, se montrer au bord de ces terrains de foot. Et c'est un joyeux luron du pays nantais. C'est un joyeux luron du pays nantais qu'on appellera pour l'occasion le professeur Tipiak. Le professeur Tipiak, là-bas il se fait aussi appeler Tuxi Brown. Tuxi, mais là c'est, il risque d'être reconnu. Là. Oui, mais je crois que ce serait lui rendre hommage. C'est une très belle chronique. Il nous a fait une belle chronique pour nous dire un petit peu ce qu'on pouvait manger dans les loges des grands stades de football. Alors à vous la technique pour nous passer le reportage du professeur Tipiak, Dixit Tuxi. Bonsoir les amis, nous allons parler ce soir gastronomie, et plus particulièrement nous allons nous intéresser à la question que tout le monde se pose, mais que mange-t-on dans les loges VIP des stades de foot ? Alors ce qui nous importe en dehors de toute considération sportive, c'est de comprendre ce que peuvent manger les supporters les plus fortunés dans les loges. Nous avons donc en tête du palmarès des mignardises, les macarons. Oui, bien entendu, les macarons sont un produit très tendance que nous pouvons retrouver un peu partout. Eh bien, nous avons le macaron sucré, traditionnellement, et nous avons aussi, dernièrement, le macaron foie gras qui est apparu dans les stades. Voilà. À côté de cela, nous pouvons retrouver des mises en bouche. Plastique, céramique, verre. On peut même retrouver, pour les plus chanceux, des céramiques en cristal. Bon, voilà, ça donne un petit goût en plus. C'est du bête, voilà. Donc dans ces farines, qu'est-ce que nous pouvons retrouver ? Bon, généralement, saumon fumé, Saint-Jacques, foie gras, c'est déjà vu, me direz-vous, mais on retrouve aussi parfois du homard et même du caviar. J'ai dernièrement entendu parler du Stade de France où certains convives, les Mulotti bien sûr, avaient pu déguster un petit œuf en céramique empli de beluga royal avec une pointe de citron confit. Alors, je crois qu'un nouveau petit problème technique nous a un petit peu... Ah, et c'est que l'heure tourne. Alors, je suis désolé. Nous présentons au nom de la rédaction de Des Bâtons d'Anguirou toutes nos excuses au professeur Tipiak qui n'a pas pu aller au bout de sa chronique, qui était pourtant fameuse, je vous le dis, chers auditeurs. Et je m'adresse à la technique. Est-ce qu'on peut diffuser la fin de ce reportage ou est-ce qu'on enchaîne ? Oui, je crois qu'on peut diffuser la fin de ce reportage, on me fait signe. Ce serait bien. Alors on continue, on écoute. Mais Saint-Jacques, foie gras, c'est déjà vu, me direz-vous, mais on retrouve aussi parfois du homard et même du caviar. J'ai dernièrement entendu parler du Stade de France où certains convives, les Mulotti bien sûr, avaient pu déguster un petit œuf en céramique empli de beluga royal avec une pointe de citron confit. merveilleux, merveilleux, me direz-vous. Bon, à côté de cela, nous avons les canapés, les petits fours, les aumônières, les mini-voiles au vent, que nous pouvons garnir de sauce hollandaise ou de sauce persillée, avec généralement une dépose de noix de Saint-Jacques ou un petit morceau de crabe, ou de caille parfois. Ensuite, nous avons aussi les mini-ardis sucrés. Alors nous avons déjà parlé du macaron, mais il y a aussi les opéras, les mini-entremets, nous avons les carolines au chocolat par exemple, ou au café. Nous avons bien entendu les moelleux, des cupcakes aussi qui nous viennent des États-Unis. Enfin, voilà, de quoi se sustenter durant le match. Maintenant, c'est bien beau toutes ces cochonneries, mais rien ne remplacera l'irremplaçable morceau de pizza et sa canette de bière. Non ? Bon, je vous dis à bientôt les amis, et en attendant, bon appétit et bon bande d'enfoirés, si vous trouvez. Alors on remercie, ça y est, on a entendu en entier, et ça aurait été dommage de s'en priver, le reportage, la chronique du professeur Tipiak. Est-ce que nos invités ont été extrêmement attentifs? Est-ce que ça vous a donné envie de vous pavaner dans les loges et les autres espaces luxueux des grands stades de foot? Valentine. Oui, alors moi, une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé la brousse, hein, c'est pour quand même pour manger à l'œil. Donc voilà, les invitations au stade Vélodrome et tout ça, moi, je suis tout à fait ravie. Surtout si c'est effectivement ce qu'on vient de nous décrire qui est proposé aux convives. Les canapés, tout ça. Parfait, Pedro, un petit avis sur cette question? Moi, je préfère rester à côté des poubles, ouais. Manger dans le kiosque. Bon. Deux écoles, visiblement. Le shawarma, le tourne-dos, voilà. Et les petits fours canapés. Falafel aussi. En tout cas, c'est un reportage, cher Brett, qui nous permet, une fois de plus, et c'est notre déontologie à des bâtons dans le guirou, d'être complet sur le sujet. Je pense qu'on est parti du terrain pour finir dans les loges. Je crois qu'on a grosso modo fait ce qu'il fallait faire. Je crois, et du coup, pour nous un petit peu récompenser de tout ça, avec l'aide de Magic, on vous a concocté un petit quiz qui, je pense, vous amusera, qui est le quiz des anciens footballeurs ayant ouvert un restaurant. Alors la règle est très simple, chers amis autour du plateau ici présents, je vais vous, un petit peu à la manière de questions pour un champion, vous donner les définitions de ces anciens footballeurs et vous allez essayer avec moi et avec le public de Débattons dans Guirou de trouver ce footballeur. Alors je démarre tout de suite, je suis un footballeur international français né en 1973. Vous m'interrompez dès que vous avez une réponse. Milieu de terrain, je suis passé notamment par Nantes et Lyon. Surtout par Nantes, je crois, où j'y construis un important palmarès en France en remportant le championnat de France 4 saisons d'affilée de 2001 à 2004, la Coupe de France à deux reprises, le Trophée des Champions 5 fois ainsi qu'une Coupe Intertoto et la Coupe des Confédérations en 2001 avec l'équipe de France. Rénal Pedros. Ce n'est pas Rénal Pedros. Avec les chefs étoilés Nicolas Isnard et David Lecomte, avec qui je m'associe, j'ouvre un restaurant de poissons et de fruits de mer à Dijon, la Taverne des Halles. Je suis. Moi j'ai qu'un nom, mais c'est pas ça, c'est Emmanuel Carrère, mais ça y ressemble, non? Oui, c'est un écrivain, mais du coup... C'est pas loin. Magic, au stade, vous m'entendez? Peut-être vous avez une idée? Carrière. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Eric Carrière, la réponse a été donnée par le docteur. La réponse a été donnée par le docteur. Le docteur, un point. Eric Carrière, qui a été le brillant meneur de jeu du Football Club de Nantes. Je remercie tout de même Brett pour son précieux... Ah non, impossible de remettre le nom sur Eric Carrière. Alors, on enchaîne avec un nouveau footballeur né en 1978, attaquant. J'ai évolué notamment dans les clubs d'Angers, Valenciennes et Caen. Je suis ensuite remarqué par les médias pour ma carrière sinueuse et mon franc-parler. À 30 ans, je connais ma première et unique sélection en équipe de France un soir de novembre 2008 où j'ai illuminé le France-Uruguay quelques mois avant que je ne sois obligé d'arrêter le football pour raisons médicales. J'ouvre en juin 2010 le K9, à la fois bar, restaurant club, situé dans une ancienne liaison dangereuse, église classée à Angers. Et je suis... Oui, c'est le buteur... oui. Ah. Siennois, il a un prénom un petit peu anglo-saxon. Steve Savidan, ah. Et le point va à Brett Sinclair. Troisième joueur concerné, il est né en 1971, un petit peu plus vieux que nos deux précédents joueurs de foot. J'ai joué 407 matchs de première division française et marqué 127 buts. Donc c'est très respectable. Avec trois associés, ça on en parlera plus tard. Par contre, je totalise 7 sélections en équipe de France avec qui je marque 3 buts. Attaquant athlétique, marqué par une hauteur d'épaule importante, je suis passé par les clubs d'Auxerre et Bordeaux, où je fais le principal de ma carrière. Avant de me ramasser dans des aventures à l'étranger, Sunderland et Cologne. Je reviens ensuite en France, où je joue à Bastia, Nice et à nouveau à Bordeaux. J'ouvre en mai 2012, c'est très récent, une brasserie au Haillan, près de Bordeaux, qui s'appelle L'Extérieur. Je suis... Un indice. Alors, très belle coupe de cheveux, blond bouclé. Lilian Laslan. Voilà, ça c'est le deuxième point. Alors, je reconnais que c'est un peu difficile pour nos deux invités, l'un étant plutôt spécialiste du football argentin et l'autre pas très spécialiste de foot, d'après ce qu'on a entendu dire. Mais ça ne vous empêche pas de trouver le quatrième joueur qui a été champion du monde. Alors, peut-être que champion du monde français. Né en 73, je suis arrière latéral gauche ou droit. Candela. Quoi ? Vincent Candela, alors là c'est un troisième point pour le docteur, troisième point pour le docteur, un point pour Brett, et oui, et vraiment là c'est une grande domination, donc je vais pas m'étendre sur le cas de Vincent Candela, sauf pour dire qu'en 2009, avec deux associés, il a ouvert le phare de Palavas, ville chère à Anthony Dupré, un grand chanteur français, près de Montpellier, restaurant haut de gamme spécialisé dans le poisson. C'est pas mal un phare pour Candela, non ? Tout à fait. Mais alors pourquoi les footballeurs ouvrent des restaurants ? Ah ben alors ça, je crois que Magic nous en parlera un peu plus tard, parce que lui-même, je crois qu'en tant que commentateur de foot avisé, il a lui aussi une ou deux petites affaires dans l'arrière-pays niçois, je crois qu'il il vous en parlera un peu plus tard. Mais il ne sera pas besoin de vous départager, puisque le docteur a d'ores et déjà remporté cette compétition, mais pour l'honneur. Né en 65 à Bamako. Milieu de terrain fin et technique, je débute ma carrière professionnelle en tant que joueur à Toulon, après avoir été repéré assez tard. Puis je poursuis à Lyon avant d'atterrir à Bordeaux en 81, où je connais l'apogée de ma carrière. Trois fois champion de France et vainqueur de deux Coupes de France. Je finis ma carrière de footballeur à Marseille avec deux nouveaux titres de champion en 90 et 91. J'ai ensuite été entraîneur de plusieurs équipes françaises et étrangères. C'est gentil, Ghana, ouais. Bravo Brett. Sauve l'honneur. Vous sauvez l'honneur, vous revenez à 3-2, le docteur est un brillant vainqueur de cette compétition. On peut dire de Gentil Ghana qu'en 97, il a acheté une propriété sur les hauteurs de Cassis, donc c'est non loin d'ici, incluant 9 hectares de vignes que j'appelle Donatigana. Voilà, je crois Brett, oui docteur, vous vouliez... Oui, non, c'est une victoire qui est quand même entachée d'une sérieuse reprise à mon cher ami Brett, donc non. Ah, non, c'est non, tout non, à votre honneur. Emmanuel Carrière est tout à son honneur, il est quand même mieux, enfin je sais pas s'il est mieux d'ailleurs de connaître Emmanuel Carrière. Sur le terrain, sûrement nettement plus mauvais. C'est en sûr. Littérature, ça peut se discuter. Ça se discute, tout se discute en termes de littérature. Emmanuel Carrière, Emmanuel Carrière. Allez. Je vous propose cependant, chers amis, d'aller faire un petit tour au stade pour un petit peu conclure sur ce match Parme-Inter Milan. Je crois que le match est terminé maintenant, mais on peut encore en dire deux mots. Brett, vous aviez une question à poser au docteur, je crois. J'avais une question pour le docteur, en effet. Sur ses accointances avec les restaurants ou sur... Tout à fait, sur sa fréquentation des restaurants. Non, je ne sais plus, je crois que le quiz m'a... Ah, vous a complètement dérouté, mais... Complètement dérouté, mais... Magic. Magic, il veut nous dire quelque chose. Magic, on vous écoute. Oui, allô ? Allô ? Allô, Magic, on vous entend, oui. Ah oui, mon cher Manu Amor, je vous entends. Et écoutez, j'essaye de retrouver notre collègue et très cher ami le shérif, mais il est toujours perdu dans les allées du stade Ennio Tardini. Le match est terminé depuis 10 minutes et le score est désormais et définitif de 1-0 pour l'équipe de Parme. Un but de Sandione à la 75e minute de jeu. Voilà, je ne sais pas où vous êtes dans l'émission. Voilà, je vous ai pas écouté jusqu'à présent. Où est-ce que vous en êtes ? On en est que voilà, on voulait un petit peu avoir votre avis sur ce match. Si vous êtes content d'être à Parme, je crois que c'est la première fois que vous venez à Parme commenter un match malgré votre riche et longue carrière. Tout à fait, je suis passé par de nombreux stades européens et c'était la première fois que je venais dans le Piémont ici à Parme où pour ce match, l'Inter deuxième a tout simplement raté l'occasion de se rapprocher de la Juventus de Turin, leader du championnat du Calcio. Il faut dire que les Nazzurazzi, comme on les appelle, les joueurs de l'Inter Milan, ont eu face à une équipe de Parme très enthousiaste devant son public. et les joueurs de l'Inter Milan n'ont jamais réussi à trouver l'ouverture et se sont tout simplement fait piéger sur un exploit individuel et personnel, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, de Sanzone. Et voilà. On donc, vous a marché sur le pied peut-être, Magic. Pardon ? Non, rien. Et vous qui êtes un fin gourmet quand même, Magic, Parme-Milan, c'était quand même plutôt un joli plateau. Ah, écoutez, sur le plan gustatif et gastronomique, je suis dans l'une des plus belles villes d'Europe en la matière, effectivement en matière de gastronomie, et c'est pour cela que nous avons choisi de diffuser sur des bâtons d'Anguirou ce soir le match entre Parme et Milan, puisque effectivement ce sont deux villes aux gastronomies très respectables pour le moins. Et voilà, nous avons très bien mangé. La preuve en est que notre ami Chérif est toujours perdu quelque part, je pense, dans una trattoria ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, oui, une très, très, très bonne ville. J'ai eu l'occasion de dîner juste avant de venir au stade et je peux vous dire que j'ai très, très bien mangé. Merci Magic, on conclura l'émission avec vous bien sûr tout à l'heure, mais je crois Brett que pour conclure, c'est parce que le temps presse, c'est le moment peut-être d'enrichir notre chronique, notre rubrique pardon, art contemporain et football. Tout à fait, c'est avec un certain plaisir qu'on revient à l'art contemporain et le football, le docteur ne dirait pas le contraire. Donc comme nous disions pour terminer cette émission, donc je retourne au prompteur qui est quand même un petit peu douteux mais on va essayer de le faire. Nous nous sommes penchés sur le travail des artistes plasticiens d'aujourd'hui pour voir comment ces artistes, lorsqu'ils ont eu l'occasion de jouer au foot, jeunes par exemple, comment ils pouvaient appréhender la question culinaire. Il n'est en effet pas inintéressant de constater les détournements de la question gastronomique et la créativité qui s'y développe autour. Pour cela, nous avons rencontré Anthony Duchesne. Donc je vais vous présenter brièvement Anthony Duchesne. Enfin brièvement non, pas tant que ça, mais... Je vais vous faire une bonne présentation d'Anthony Duchesne. On va prendre un bon quart d'heure. Tu vas en tenir, je pense. Que... Anthony Duchesne, ce n'est pas de la pizza, ce n'est pas de la galette saucisse, ce n'est pas même les délicieux bocconcini de chez Sauveur, une bonne bouteille de côte de nuit. Mais c'est malgré tout un peu tout ça. Donc Anthony est un artiste résident à Marseille. Il travaille actuellement sur les mécanismes du goût et plus précisément sur l'information et sur les véhicules de l'information, sur les moyens de communication, sur la possibilité et la capacité d'un objet ou d'un être vivant à transmettre ou à recevoir une information. Donc avant de s'intéresser au goût, Anthony a travaillé sur le son, sur le phénomène sonore à travers des pièces qui n'étaient pas justement des pièces sonores, mais des pièces muettes qui ne donnaient rien à entendre, mais qui donnaient à voir les mécanismes du son. Ces pièces, que ce soit sur la question du goût ou de celle du son, s'inspirent de données scientifiques qu'il réutilise pour créer des formes qui s'apparentent à des petites fictions, à de la science-fiction, même s'il faut s'éloigner un petit peu de la première impression qui nous vient lorsque l'on parle de science-fiction. Donc il s'amuse plus des données scientifiques desquelles il se sert pour créer toute une panoplie de formes, de véhicules, au travers de dessins, de sculptures et d'installations. Donc pour plus de précision et pour voir les œuvres, je vous conseille vivement de regarder sur le site de Documents d'Artistes, www.documentsdartistes.org. Dans le document qui va suivre, Anthony nous parle entre autres d'une pièce qui vient de recevoir le prix Sciences Po pour l'art contemporain, et d'une résidence qu'il vient d'effectuer en Bourgogne dans l'établissement de Marc Menot, chef anciennement 3 étoilés, en tant que premier résident d'un cycle de résidents d'artistes mis en place par ce même Marc Menot. On écoute, on en discute après, ça va être un petit peu long aussi le reportage. Pas la question de la gastronomie, c'est plutôt les mécanismes du goût, les anecdotes liées au temps de la cuisson que le vin, pas mal de vin, sur le lexique, le langage, mais je dirais pas que ce soit réellement de la gastronomie en fait. C'est parti d'un mécanisme, comme ce que je faisais avant sur le son, comment ça fonctionne en fait. Puis en fait tu dis, mais en fait c'est surtout le sens et la communication qui fait que tu passes de l'oreille à la bouche, puis ça remonte au cerveau toujours. C'est une information qui remonte au cerveau. Donc j'ai un peu déplacé les choses, la question du goût, de l'olfaction, du nez même, parce que le goût c'est le nez. Alors c'est parti de schémas, de croquis, de dessins, et puis après là il y a des pièces, il y a eu... Là par exemple, on parlait tout à l'heure du prix Sciences Po, la pièce qu'a gagnée c'est un vélo triporteur dans lequel, au centre de la caisse en fait, du triporteur, il y a un arbre dans lequel poussent des objets, et tous ces objets représentent une famille d'arômes, c'est-à-dire la famille empyromatique, qui sont tous les goûts brûlés, grillés, fumés. Donc tu retrouves dans l'arbre des cigares qui poussent, du charbon, du goudron, du chocolat... Donc j'ai pas mal avancé en fonctionnant par famille de goût en fait. Voilà, tout ce qui est famille végétale, animale, empyromatique, sucrée, grillée et compagnie. des verres à nez par exemple. J'ai imaginé des verres qui sont pas faits pour boire, qui sont juste pour sentir. Donc ça part de formes caricaturales, crochues, allongées. Et là je vais en faire toute une série en fait. L'objet triporteur vient des battleurs, qu'on appelle ça des bonimenteurs, ceux qui arrivaient et qui te proposaient quelque chose qui est complètement faux. Donc il y a une histoire de la tromperie et je l'ai relié à la famille empyromatique, parce que quand la première fois qu'on te parle de la famille empyromatique, tu te dis mais c'est pas possible. Il y a une famille qui parle de goudron, de charbon, de brûlé, et finalement oui, tu vois. Dans le vin, on te parle de goudron, tu vois, de charbon, c'est de pétrole, d'hydrocarbures, c'est assez paragoûtant, tu vois. Ça, par exemple, ça, c'est des dessins que je fais depuis le début avec des arborescences comme ça. Et là, en fait, c'est l'explication de l'équilibre aromatique. C'est-à-dire que ça part de caseux, en haut, tu as dur, puis ça passe à raide, mordant, astringent, austère, frais, rond, et tout ce qui est... l'aromatique en termes de sentiment et surtout de consistance en bouche aussi. Tu vois, est-ce que c'est liquide, baveux Ça, j'ai trouvé un croquis scientifique qui a assimilé, qui faisait une chaîne comme ça. Et je dis juste, tu vas juste le mettre en place, mais dans une arborescence, tu vois, en opposition. Ouais. Tu vois, baveux, d'accord. Gluant, âcre, râpeux. En fait, au début, je pense que je suis ni scientifique, ni musicien. Je passe beaucoup de temps sur Internet à essayer de comprendre les choses. Et une fois que je capte un peu le système, je le reprends et je le transforme. Oui, on me dit souvent, tu fais du scientifique. Non, je fais du pseudo-scientifique, ça c'est vraiment important. Parce qu'il n'y a aucune... L'important à la fin, c'est qu'il y ait une forme plastique ou dessin. Le syndrome de la sauce béarnaise, c'est quand tu te souviens d'un aliment qui t'a empoisonné. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le manges pas. Tu ne manges plus. Tu vois, tu es intoxiqué un jour par les 8, tu ne le manges plus. Et en fait, un tas d'insectes, ou notamment de papillons, jouent avec ce code-là. C'est-à-dire que dans le temps, ils sont arrivés à s'empoisonner en mangeant des plantes, tu vois, qui ne les tuaient pas, mais qui les rendaient juste eux aussi poisons. Donc les oiseaux ont arrêté de manger les papillons. Donc ça, c'est un cas de sauce béarnaise syndrome, si tu veux. Donc le goût peut être aussi traduit par l'histoire d'intoxication, de jouer tout sur le goût, et pas forcément... C'est pour ça que j'ai dit que je pense pas que je travaille sur la gastronomie, sur l'idée du bon, c'est vraiment un intérêt par rapport à la gustation et au mécanisme, et autant sur l'instinct animal. L'instinct animal aussi, je pense que ça revient tout le temps dans le travail. Si on revient à la résidence, et là je suis content d'y être allé, parce que je pense que si pendant un mois j'avais fait que... Ouais, être là par rapport à quelque chose sur la gastronomie, je pense que ça m'a dégonflé. Je suis arrivé dans un type qui était un peu foufou, quoi. Marc Menot, c'est un fou de la cuisine. C'est un mec qui a fait par exemple de la glace à la terre, tu vois, mais pas parce que c'est bon, parce que c'est juste intéressant de parler de la terre, du terroir, même de le lier à des choses comme la merde, le fumier. Et il en parle comme ça, et c'est quand même étonnant d'avoir un mec chef étoilé. Ouais. Et je pense que là, par rapport à ça, on s'est bien entendu. Ben, au début, c'était vraiment de l'observation, et après, j'ai fini par faire une pièce qui sont, j'ai appelé les exosquelettes, qui sont des squelettes de saucissons. Alors, si on imagine toute la ficelle, le cordage qu'il y a autour des saucissons, tu gardes ça et tu évites tout. Il reste juste la forme et le squelette. Donc, exosquelette, c'est-à-dire une sorte d'animal qui tisse son squelette extérieur. On a remplacé la ficelle par des fuseaux de porc, des boyaux de porc, très fins, qu'on a ficelés, pareil, sauf qu'en séchant, ça se serre avec. Ça devient marron, mais ça devient dur, et du coup ça garde la forme, ça garde le côté ficelle aussi. En fait, il y avait un des cuisiniers que j'observais assez régulièrement, qui lui, on sentait le spécialiste de bondage, quoi, ficelle. Même ses gestes m'impressionnaient. Je pense qu'en cuisine, il y avait quelque chose qui m'impressionnait, c'est tous les gestes, tous les rapports humains, et pas forcément des fois. Le nez aussi, c'était impressionnant. Mais pas forcément le beau qui arrive dans l'assiette. Donc voilà, c'était Anthony Duchesne. Juste 2-3 précisions. La sauce béarnaise syndrome, c'est une expo qu'il a fait à la galerie Eva Huber à Paris. Alors d'accord, c'est son invention. C'est son invention, oui. Ouais. Et donc l'expo était faite en 2011. Sans dire de bêtises, je crois que la Eva Huber galerie représente maintenant Anthony Duchesne. Et je pense qu'il a tout bientôt une exposition... là-bas, et donc pour cette exposition qu'il va faire bientôt, il sera accompagné donc d'un commis de cuisine qu'il a rencontré donc lors de cette résidence chez Marc Menot en Bourgogne, et qui va l'aider donc à faire ces pièces qui sont assez jolies pour avoir vu déjà avec Magic d'ailleurs des images de cette pièce, des exosquelettes. C'est vraiment joli. Beau boulot, Anthony. Et joueur de foot aussi, quand même, à l'occasion. Bel ailier, je crois. Hein, bel ailier, on l'a croisé plusieurs fois sur le terrain. Et voilà, peut-être que Docteur avait quelque chose à dire sur Moi, j'apprécie beaucoup Le Père Duchesne, qui est un très très beau journal du 19e siècle, un petit peu l'ancêtre du Canard enchaîné. Donc, oui, j'apprécie beaucoup. Bah en tout cas, Brett, on remercie au nom de toute la rédaction des Bâtons d'Anguirou beaucoup Anthony Duchesne. Tout à fait. D'avoir bien voulu prendre un peu de temps précieux pour lui pour nous accorder cette interview. Une belle interview d'ailleurs. Ouais. Tout comme on remercie les autres participants de l'émission, je pense au professeur Tipiak, je pense à tous les aimables clients du snack des abords du Vélodrome. Pizza Papa, bien sûr. Pizza Papa, JD. Chaleureusement, JD Pizza. Bel entretien. Et puis nos spécialistes de la pizza qui se sont exprimés, je crois. Et nos spécialistes de la galette saucisse, n'en déplaise au docteur. Donc on remercie tout le monde et on remercie spécialement nos deux invités, Brett. Tout à fait, Valentine, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup pour votre invitation. On rappelle donc que la sortie de la brousse. Ça se passe le 7 décembre au snack Loubanastou qui se trouve au panier rue Caisserie. En dessous de la place de l'Ange. En dessous de la place de l'Ange. On ne peut pas le rater. Ça sera une occasion de plus de venir dans cet excellent snack qui ne fait que de fabuleux sandwichs à base de viande directement prise chez le boucher, de pain. De la bonne viande, de la frite maison. Ouais, frite maison. Burger redoutable. Oh là là. Pas eu l'occasion un burger encore, redoutable, ouais. Une tendance à y mettre beaucoup de fromage, oui, mais quand on leur demande, la seconde fois, ils arrivent à l'enlever. Ah. C'est vrai qu'il existe encore des gens qui mangent du fromage, ça me paraît totalement terrible. Ça. Et ils livrent les jours de match, donc je crois que ça vous tout intéresse, à fait. Et ça bah, bien sûr. Aux auditeurs. Tout à fait. Et on a aussi un petit site internet qui est un Tumblr, qui s'appelle weshlabrousse.tumblr.com. Donc Wesh la Brousse, c'est ça? Wesh la Brousse. W-E-S-H. Wesh, quoi. La brousse, c'est la B-R-O-U. Comme Wesh, Wesh. Chacun l'écrit. Tout à fait. On remercie Pedro aussi. Merci Pedro. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Donc alors, on peut aussi rappeler rapidement vos prochaines dates de concert. Alors, le 14 décembre. Chez Lollipop. Chez Lollipop. Il y a un autre nom, mais c'est Courlieu-Tour. 14 décembre à 19h, gratuit. Oui. Et à Béziers la semaine d'après. Le 28 décembre à Béziers, c'est un festival, ouais, qui s'appelle Fabrique, et dans le cercle espagnol de d'accord. Béziers. Bah, les auditeurs de Béziers qui nous écoutent, qui sont déjà reconnu le lieu. Bien sûr. Et vous pouvez, on peut vous trouver sur le net, Pedro, ou pas, pour écouter vos productions Ouais, vous pouvez chercher mundown.weebly, weebly.com. Ok, on mettra ça de toute façon, voilà, sur notre excellent blog, docteur. Eastern Committee Bandcamp. Ah, et voilà. Eastern Committee Bandcamp, ouais. Donc je disais, docteur, que nous mettrons tous ces liens, bien évidemment, sur notre excellent blog, le blog de Débattons d'Anguirou, dont vous allez nous rappeler l'adresse. Alors, un blog qui est mis à jour maintenant de manière quasi. C'est presque quasi instantané. C'est hein. Obsessionnel. C'est obsessionnel. Hein. Et on remercie la personne qui s'occupe de ce blog, hein, qui se trouve juste en face de moi. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Et donc ce blog se trouve. On peut trouver ce blog sur la toile, sur le www.debattonsdanguirou.posterousse.com. Excusez-moi. Ça va rentrer, docteur. On pouvait aussi remercier rapidement Radio Galère, et je voulais un merci peut-être un petit peu spécial à Magic qui, s'il a l'habitude de tricoter avec le ballon, et il sait aussi faire jouer ses partenaires. Il comprendra. Et oui, bien sûr. Et puis, on va lui passer la parole pour conclure, peut-être. Mais puis, saluer le shérif qui, de chez lui, nous a certainement écouté, j'imagine. Magic. Oui. Oui, Magic. Vous m'entendez? Bien sûr. Oui, bah, écoutez, je suis en train de ramener le shérif. Il est Vous l'avez retrouvé, donc? Oui, je l'ai retrouvé. Il était dans un coin. Shérif, est-ce que tu peux dire un mot? Oui. Non, écoutez, vous m'entendez ? Bien sûr. Le shérif est complètement ivre. Je crois qu'il s'est bien terminé au Chianti ce soir, ici à Parme. Et maintenant, tout va bien. On le retrouvera dès l'émission prochaine. Rassurez-nous, la banane est intacte ? La banane est toujours intacte. Ouais, non, ça, de ce point de vue-là, elle est imbougeable. À propos de banane, je voulais introduire le prochain morceau. Ça va être la conclusion de l'émission. Ah ben, on vous laisse conclure, docteur. Je vous laisserai conclure, mais pas sans vous dire le plaisir que j'ai à chaque quinzaine de faire l'émission avec vous tous, Magic, Brett et vous-même, docteur. Et plaisir partagé, Emmanuel. Bien sûr. Donc, à propos de banane, on avait vraiment envie de vous passer ce moment important. De la musique créole, de la discographie française aussi, de la world music, qui relate les déboires de ce chanteur à texte, Francky Vincent. Francky Vincent, qui n'était pas seulement l'auteur de ce « Vas-y Titi, c'est bon ». Oui, mais il a aussi, fut un temps, supporté le maire du 5e arrondissement de Paris. Ah. Avec, lors de fabuleux concerts où il chantait « Vas-y Titi, c'est bon ». Et au-delà de ça, ses déboires ont continué, parce que déboires il y avait, avec la mise en place d'un restaurant où visiblement ses employés n'étaient pas au niveau de Francky. Donc voilà, Francky Vincent, le restaurant, merci à tous. Et bonsoir et bonne nuit sur Radio Galère. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de... Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Y avait...